derrière avec Guinla. Et Guinla vers Crosby. That's like, here's a shot. Henderson made a wild stab towards Pell. Here's another shot. Fight by the shore. Henderson has scored for Canada. Alors donc, 4 à 4. Et là, l'attaque des Patriots sont quand même tirés au retour. Et le but! C'est long et c'est carré. Julian Fairley file jusqu'à la zone des buts. Touché pour le rouge et bon matin tout le monde, bon matin Trois-Rivières et bienvenue dans l'inconduit de partie, l'émission qui parle de sport d'un petit peu partout à travers la planète, mais surtout en Mauricie. Et c'est notre avant-dernière émission à vie, probablement, de l'inconduit de partie, donc il ne reste qu'une semaine à ma formation académique, au baccalauréat en communication sociale à l'UQTR, ce qui fait qu'après ça je prendrai la route de je ne sais pas trop où, donc logiquement... c'est l'avant-dernière, et bien sûr, la dernière sera vendredi. Mes collègues, comme toujours, depuis le début de la session, la saison d'hiver, Marc-Antoine. Bon matin. Bon matin, Marc-Antoine. Et depuis cette année, là, c'est pour une année complète, là, Phil Doucet. Hello! Hello, hello! Alors, ce matin, l'émission, honnêtement, c'était Pâques, j'ai couru les œufs. Je comprends toujours pas le rapport entre un lapin, des œufs et Jésus, mais ça, on me l'expliquera... Ou pas. C'est quoi, le lapin est ressuscité, puis après ça, j'ai pas compris, là. Pense pas qu'il y en ait d'explication possible. Comme si le monde capitaliste s'était emparé de cette fête-là pour vendre des choses. Ah, ben, est-ce qu'il y a une fête dont le monde capitaliste ne s'est pas emparé? Ben, la Saint-Valentin. Oh. Bon, yeah. Alors, ce que je m'en allais dire, c'est que, bon, c'était une fin de semaine un petit peu plus calme au niveau du sport. Je l'avais dit, pas de course automobile. Il y avait plusieurs choses qu'on s'attend à voir qu'il n'y avait pas. Tout de même, on a réussi à vous concocter une émission. Donc, on va parler de Ligue nationale de hockey. On va parler d'équipe Canada au hockey aussi. On va parler pas mal de hockey, honnêtement. Ligue américaine, on parle des Bulldogs, bien sûr. On va parler de la Ligue nord-américaine de hockey en début d'émission. On parle basketball un petit peu. On parle, ben là, comme je disais, c'était une fin de semaine plus calme. Alors, je me suis dit, on va arriver avec un sujet, une petite discussion en fin d'émission. Une petite surprise pour vous autres. Ben, une petite surprise, ouais, exactement. On va parler film. On va parler cinéma. J'ai vu Eat, Pray, Love. Et, non, c'est pas vrai. On va parler de cinéma sportif. L'été, ça en vient, là. Écoutez, si les Canadiens se font sortir mardi. Si. Bon, on va prendre de quoi pour se divertir pour les gens qui suivent pas les autres sports et qui suivent seulement les Canadiens. Alors, pourquoi ne pas parler cinéma? C'est ce qu'on va faire en deuxième partie d'émission, la dernière demi-heure. Mais tout d'abord, parlons de la Ligue nord-américaine de hockey. La nouvelle est sortie, bon, dans le Nouvelliste, c'était le 20 avril dernier, donc jeudi dernier, mercredi dernier plutôt. Steve Turcotte, le collègue qui relatait ça, comme quoi que, bon, aussi la concession, ça va pas très très bien. En plus, on s'est fait sortir assez tôt, merci, en séries éliminatoires, ce qui fait que on n'a pas engagé de profit supplémentaire. Donc, Léo Guy Morissette, le principal propriétaire de l'équipe, est à la recherche de partenaires, essayer de garder la concession en vie, carrément, là, du côté de Trois-Rivières. Et malheureusement, il a perdu un de son commanditaire majeur, le Caron et Gay, tout simplement. La compagnie d'Alain Gay, là, donc, qui c'est une compagnie de porte et fenêtre, le Caron et Gay, qui a décidé de se retirer de l'aventure. Ce qu'on disait du côté des propriétaires, c'est que l'organisation, pas des propriétaires, mais plutôt du commanditaire, l'organisation n'était pas assez sérieuse. Il y a une structure tout croche dans cette organisation-là. Et bon, selon plusieurs rumeurs, plusieurs affirmations, l'équipe sera en dette avec la ville. Le Caron et Gay dit non. La ville semble pousser vers le oui. C'est pas clair tout à fait cette histoire-là, mais bon, ce qu'Alain Gay, selon Steve Turcotte, ce qu'Alain Gay plutôt a dit à Steve Turcotte, c'est regardez, quand je me lève le matin et que j'entends sur les ondes de TVA que le club est en dette avec la ville, ce n'est pas bon pour mon entreprise. Ah, ben non. Parce que des clubs comme ça dans la Ligue nord-américaine de hockey sont tous commandités. Le nom et tous des commanditaires, mis à part le Saint-François de Sherbrooke. Mm-hmm. C'est fini la belle époque où le Blizzard de Saint-Gabriel affrontait les Dragons de Sorel dans un match épique. Ben, belle époque. Oh oui, ben moi, c'est... Non, non, mais belle époque. C'est, oui pis non, tu sais. Écoute, c'est ça. Il fut un temps. Chaque chose à sa place. C'est passé d'une ligue de garage à une ligue plus organisée, mais qui a mal vieilli. Là. Alors qu'on a atteint notre pic, on en avait parlé vers 2004-2005, le lockout, tout ça. Il y avait des matchs de 2-3 000 personnes. Québec rentrait 10 000 personnes au Colisée de Québec. Alors maintenant, c'est totalement le contraire qui se déroule. Donc, à l'époque de ma jeunesse, moi, le Blizzard de Saint-Gabriel, c'était constamment plein. Le centre Antonio Yannakis débordait. 22 personnes, c'est 22 personnes, hein? C'est ça. c'est ça. Mais nous autres, à Saint-Hyacinthe, tu sais, là, des matchs pleins, là, de 3000 personnes dans un arena qui se posait d'en contenir 2000, ça rentrait. Puis, Saint-Hyacinthe, comment c'est fait? C'est que à l'époque, les bouches de ventilation étaient, bon, tout le grand tuyau en métal est tout juste en haut des estrades. Donc, tu peux varger dedans quand il faut faire du bruit. Ah non. Alors, ça se voyait, il est bossé là, jusqu'à là. Ils l'ont changé dans les dernières années, il est maintenant rendu au plafond. Là. Mais c'est une très mauvaise nouvelle. Et du côté de Logie Morissette, là, j'ai l'impression qu'on commence à ça commence à sentir la fin. On parle de structure du côté d'Alain Guay, et je me demande si justement le propriétaire à travers tout ça, Logie Morissette, est pas la personne qu'on tente de blâmer un petit peu au niveau de la structure. Je veux dire, on a fait un... C'est de la... On en a parlé aussi au niveau de la promotion. Les choses ont beaucoup changé. C'est plus seulement du bouche à oreille, puis c'est la seule chose à faire le vendredi. Donc, on va voir le hockey, peu importe où au Québec. Là, je parle pas juste de Trois-Rivières. Mais ça a beaucoup changé au niveau des promotions, au niveau des communications. Et Caron et Guay, ma foi, ne semble pas réussir à attirer l'attention vers eux. La preuve, c'est qu'on a de la misère à attirer 1000 personnes par match. Donc, c'est là que ça rend tout difficile. J'ai l'impression que ça sent un peu la fin pour la concession à Trois-Rivières. Oui, parce qu'Alain Guay, il dit qu'il ne ferme pas complètement la porte, comme on le voit dans l'article sur Cyberpresse. Il dit que l'équipe doit montrer plus de professionnalisme si Caron Guay veut remettre une candidature comme commanditaire. Par contre, là, comme tu dis, je crois que si on veut mettre plus de professionnalisme, ça va être de changer les dirigeants qui sont en place, changer le personnel qui s'occupe de l'équipe. Du moins, un coup de pied assez solide, merci, dans la structure, là. Si le commanditaire est rendu à le dire, c'est parce qu'en dedans, t'es supposé de le savoir. Ouais. C'est là, normalement, le commanditaire, c'est le dernier à le savoir que ça va pas bien à l'interne. Donc, si ça va pas bien, c'est sûr que Alain Guay aussi été propriétaire, là. Il est pas totalement étranger, là. C'est pas comme un restaurant qui achète une commandite sur une bande, là. C'est pas la même chose. Mais quand même, c'est un signe. Et là, moi, je me demande, à partir de là, si le club disparaît de Trois-Rivières, encore une fois, c'est une belle claque à une ville qu'on dit qui est incapable de supporter une équipe de hockey, peu importe le type. Les draveurs sont partis, la ligne américaine ne supporte pas. Pour une ville de 135 000 personnes, c'est un peu une honte. Là. C'est un peu dommage parce qu'en fait, il y a quand même une base partisane là au Caron et Guay. Il y a une base partisane au niveau des Patriotes aussi. Le tournoi... Les estacades attirent. Les estacades attirent leur personne. Il y a un tournoi annuel aussi là de hockey junior là qui m'échappe à ce moment-ci. C'est un peu inconcevable, dans le fond. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre comment ça se fait qu'on n'est pas capable d'avoir ne serait-ce que quelques équipes en santé au niveau du hockey à Trois-Rivières. Parce qu'on le sait, à Shawinigan, ça va quand même très bien. Est-ce que ça prend un aréna propre et neuf? C'est un fait. J'aurais tendance à dire que oui, mais en même temps... À Shawinigan, on a pris un gros guest, si on veut, mais on a quand même les Cataractes, donc on a quand même l'équipe la plus vieille de la JMQ. On avait quelque chose pour s'asseoir, là, pour avoir au moins une certitude à Trois-Rivières. On peut pas nécessairement bâtir un aréna neuf pour les Pats. Les Pats, pour même le Caron et Guay, c'est parce que on va se dire, bon, le hockey junior majeur a pas une candidature, mais une crédibilité beaucoup plus élevée que la Ligue nord-américaine de hockey. Ou est-ce que tout ce qu'on parle dans cette ligue-là à travers les médias québécois, c'est de violence? Alors que c'est 95% du temps, c'est autre chose. Exactement, mais c'est tout ce qu'on parle. Donc, après ça, tu dis, on a besoin d'un arena, nous, parce qu'on attire 1000 personnes par match, puis les seules fois qu'on va en parler, c'est pour les mauvais coups. Ça passe moins bien au niveau de la ville, ça passe moins bien au niveau de la population, puis ça, qui... connaissent juste ça. C'est bien sûr que, comme tu disais, Philippe, le fan base solide, les partisans qui sont toujours là, les détenteurs de billets de saison, eux, bon gars, sont habitués, ils savent que c'est pas tout le temps comme ça, mais le fan base, c'est difficile d'aller bâtir un arena pour ça, donc En bout de ligne, là, j'ai l'impression que ça sent la fin là, pour la formation trifluvienne, malheureusement. Après ça, c'est parce qu'on parle d'aréna, en effet, mais on va amener quoi? Moi, j'en ai parlé, le hockey de la East Coast puis le hockey de la Ligue américaine à Trois-Rivières, j'y crois tout simplement pas. Non. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va perdre beaucoup d'argent à travers ça, là, parce que faire vivre, si on a de la misère à faire vivre un club de la Ligue nord-américaine, tu me diras, il va peut-être avoir 1000 personnes, 1500 personnes de plus à un club de la Ligue américaine de hockey. Reste qu'il manque encore 2000 personnes pour que ça soit rentable. Exactement. Et encore, quand je parle de rentabilité, je suis même pas sûr. Non, effectivement. Je suis même pas sûr. Ça dépend aussi comment le club en haut, bon, admettons que ça devient le club, mettons on parle d'un club de la East Coast, là, ça devient le Canadien de Trois-Rivières, à la place que le club soit sont à Cincinnati, là, ouais, présentement, là, c'est ça. Du côté de la East Coast. On s'en vient ici avec le Canadien de Trois-Rivières ou le tricolore de Trois-Rivières, puis là, t'es mis jaune, bleu et vert, là. Je sais pas trop couleur. Ça peut être n'importe quoi. On répète bleu, blanc, rouge, mettons, là, mais c'est pas grave. C'était le but du commentaire. Ben, tu les mets de n'importe quelle couleur et tu y vas avec ça après. Ben, gars, veux pas. Oui, tu peux attirer plus. Ça dépend aussi comment les Canadiens pitchent à travers ça dans ce club-là. Mais est-ce qu'on peut être rentable à Trois-Rivières? Je pense que le passé peut nous prouver que non. Je pense que le passé, club junior, pas de club junior à Trois-Rivières. Pas supposé, je veux dire... Non, effectivement, c'est supposé d'être dans... Trois-Rivières fait partie du barème de ville qui est censé avoir une équipe junior. Oui, à 135 000, je veux dire, ouais. Shawinigan supporte la Seine avec 40 000 personnes. Tu me diras, oui, il y a du monde de Trois-Rivières qui vont. Il y a peut-être 400 personnes de Trois-Rivières. Je suis pas assez au courant de ce qui s'est passé avec les Draveurs, mais... Il y en a eu une équipe, puis elle a fini par disparaître. Mmh. Je sais qu'il y a quand même eu des difficultés financières à Trois-Rivières. Je suis pas assez fou pour pas avoir vu ça. Mais je veux dire, est-ce que à ce point, ça a fait en sorte qu'on a été obligé de perdre l'équipe? Puis à ce niveau-là, ben je comprends peut-être les directeurs de la Ligue de hockey junior majeur de pas nécessairement vouloir réinvestir dans une équipe à Trois-Rivières si on n'est pas vraiment assis sur des bases très, très, très solides, du moins financièrement. J'ai l'impression qu'il n'y a pas personne qui va oser investir tant et aussi longtemps que ça va être le Colisée de Trois-Rivières qui va être debout. Ah, c'est ça. C'est sûr et certain. Effectivement. Pas de loge, des poutres. Pas une belle ambiance dans un aréna comme ça. Tout cet endroit-là mériterait énormément un bon... j'aurais dit en fait une belle remise à neuf parce que tenir le Grand Prix dans des installations aussi vétustes, c'est un peu c'est miraculeux d'obtenir un Grand Prix aussi fantastique que celui de Trois-Rivières dans des installations aussi ordinaires que ça. La salle de presse là, c'est pas très beau. C'est le même endroit que la bibliothèque. Ouais. Donc il va falloir faire quelque chose parce que les installations sportives de Trois-Rivières ont de la difficulté. Ouais, ben c'est ça, puis au moins on semble avoir compris, on a suivi sur l'exemple de Shawinigan du côté de la mairie ici, bon ça se parlait un peu en même temps pareil, on a compris que ça prend un boost, ça prend un coup de pied en quelque part, ça va prendre combien d'années, mais ce que j'ai peur c'est par le positionnement de Trois-Rivières, le fait que du côté de Shawinigan on a le centre Bionès, les cataractes qui attirent beaucoup de monde, c'est ce qui va rendre le fait que, moi j'ai peur que cette aréna-là en bout de ligne soit un éléphant blanc, je pense que c'est le risque à travers tout ça. Alors, on va en reparler, faites-vous-en pas, mais là, on s'en va en musique, on s'en va écouter du extérieur avec la chanson Campanelle. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou! Avec un bon nylon, assure-toi que tes remises sont bien attachées. Es-tu bien habillé? Es-tu bien camouflé? On s'en va pas faire un petit truc à mon bien. On va en escalier. Un plancher fragile sous nos pieds. Marche en silence, ouvre tes yeux. On dit qu'ici vivent des vieux. Quand je suis finalement arrivé dans la grande salle déjà saccagée, les tables de ping-pong étaient les témoins de morceaux d'histoire de l'île bizarre. Il y a des gens dans la rue. J'ai enlevé un patin en plein match pour frapper un adversaire. Je suis le seul à l'avoir fait ça. Le conduit de partie. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. Il est présentement 9h21. Vous voulez nous contacter en studio live à commercial, inconduitdepartie.com et notre site web, inconduitdepartie.com. On parle maintenant de hockey. On reste dans le hockey, du moins, parce qu'on parlait du Carouin-Guy. On va maintenant s'en aller dans un niveau plus planétaire. On va maintenant parler de Hockey Canada, c'est-à-dire les formations des hommes pour le championnat mondial, qui a disputé un premier match hier, un match préparatoire là, toutefois contre l'équipe de la France. Alors faut pas trop retenir les conclusions du match, mais c'était une victoire de 3-2 du Canada sur la France, donc quand même plus serré qu'on aurait pu penser. Ouais. Comme match, c'est Chris Stewart qui a marqué le but décisif en troisième période là, dimanche hier, pour donner la victoire 3-2 au Canada. Dans les filets français, ben on se doute, ou du moins on connaît bien qui était le Cerbère. C'est Christophe Alluet qui occupait le poste du côté du bleu blanc rouge, mais de l'autre bord, et pas les Slovaques, pas les Russes, l'autre bleu blanc rouge, celui qui est pas très bon au hockey là. Celui avec des coques là sur le. La Marseillaise. Ah d'accord. La Marseillaise, le coq exactement. Donc l'entraîneur Peter DeBoer ou du moins c'est l'assistant entraîneur disait que bon, on veut s'améliorer à travers le temps, à travers les matchs, mais ça reste que c'est le type de tournoi où est-ce que ça doit se dérouler extrêmement rapidement. Fait intéressant, le match s'est joué devant une foule de 12 737 personnes au palais Omnisport de Paris-Bercy, tu sais, le fameux palais qu'on voit tout le temps, là, qu'il était utilisé à toutes les sauces là, du côté de la France, là, où on peut autant avoir du motocross que de la natation, que du hockey puis du basketball là-dedans. Le prochain match en concours là, des Canadiens, c'est contre les Tchèques, mercredi à Prague, et après ça, on s'en va à Bratislava et à Kostich, en Slovaquie, pour disputer le championnat mondial. Alors, autre nouvelle, là, Rick Nash, bien sûr, Rick Nash a été nommé capitaine d'équipe Canada, sans trop de surprise, si vous voulez mon avis, là. C'est la 8e fois qu'il défend les couleurs du Canada, il y a 26 ans. Faites le calcul. Je recommence. 26 ans. Oui. Défendu les couleurs du Canada 8 fois. Quand même, hein. Ça veut dire que les Blue Jackets font pas les séries souvent. Ça veut dire que les Blue Jackets font pas les séries souvent. Oui. Ça va être Andrew Ladd, Dean Phaneuf, Jason Spezza et Travis Zajac qui vont être ses adjoints. Donc, ce championnat-là, bien sûr, ça se déroule du 29 avril au 15 mai en Slovaquie. Donc, 29 avril, c'est vendredi. Faites le calcul. Il y a des équipes qui, d'ici là, vont être éliminées dans la Ligue nationale. On s'était même gardé une petite gêne du côté d'équipe Canada pour pouvoir rajouter des joueurs du Canadien ou du moins des joueurs d'équipes qui vont être éliminées là, d'ici là. Et ma question, messieurs, là, ce matin, qui pourrait se joindre à, cette, à ces formations-là? Je pense que du côté d'Équipe Canada, on doit saliver à l'idée que et les Blackhawks de Chicago et les Canucks de Vancouver, une de ces deux équipes-là va être éliminée. Mm-hmm. Parce qu'on est sûr que si les Blackhawks sont éliminés, on va lâcher un petit coup de téléphone à Jonathan Toews, à Duncan Keith, à Brent Seabrook. Du côté de Philadelphie aussi, on a Mike Richards, on a Jeff Carter qui pourrait joindre à l'équipe. Pas désagréable d'y penser. Même à Buffalo, Pominville pourrait peut-être aller rejoindre. Pominville est américain. Effectivement, c'est vrai. Pominville s'est aligné avec l'équipe américaine. Donc, ne peut plus jouer avec Team Canada. Repatigny, USA. Il reste la place dans les buts pour Luongo si jamais les Canucks... Non, je crois qu'on a complété. J'essaie de trouver le... Pas juste ça. Là, je pense que... Luongo avec Team Canada, c'est très difficile, là, à part peut-être aux derniers Olympiques où il a quand même pas été un facteur, mais il a gagné la médaille. Puis je veux dire, avec ce qui vient de se passer, moi, si je suis le dirigeant d'équipe Canada, j'y pense à deux fois avant de l'inviter. Et même si je suis Roberto Luongo, j'y pense à deux fois avant d'accepter l'invitation. Il y a peut-être Patrice Bergeron du côté de Boston si jamais ça se termine là, en 7, mais ça mène quand même là, des possibilités intéressantes du côté de Team Canada. Du côté du Canadien, voyez-vous un joueur qui pourrait se joindre à ça? À ce tournoi? Peut-être Mike Camilleri, mais au-delà de ça, c'est pas mal. Je pense pas, s'il n'y a pas de place pour Luongo, il n'y a pas de place pour Price non plus, donc je sais pas. Mais encore là, refuser à Price la participation à Team Canada. Je veux dire, qui sont les gardiens en ce moment du côté de Team Canada? C'est. J'essaie de trouver ça. Là, j'imagine qu'on doit avoir quelque chose comme Brodeur, comme Cam Ward. Non, et comme... je dis ça. Devin Dubnyk et James Reimer. OK, il y a de la place pour Price, puis il y a de la place pour Luongo. En effet, il y a deux gardiens. Je ne sais pas si on avait l'intention d'en amener trois du côté de l'Europe. Dans ce cas, oui, un petit coup d'appel à Carey Price, un petit appel. Je pense pas que Luongo va être intéressé à participer, mais... Carey Price, est-ce qu'il accepterait? Je ne sais pas, je ne suis pas dans sa tête. Je peux pas te dire. Gagnerais-tu quelque chose à accepter ça, c'est ça la question? Ben, c'est une question de défendre l'unifolié, c'est une question de défendre l'honneur de ton pays, tout simplement. Il y en a qui refuseront jamais de faire ça, puis il y en a qui hésiteront pas à refuser. C'est une question de personnalité, je veux dire. Il y a beaucoup de Québécois là, qui ont refusé d'y aller là, cette année. Là, j'ai pas les noms, j'ai pas la liste là, de noms présentement avec moi, mais on parle. Le seul qui a accepté, c'est Antoine Vermette. Donc, je crois que des gars qui sont éliminés, regardez les noms, il y en a qui ont été invités, puis qui ont refusé, Stéphane Robida, entre autres. C'est Théodore qui a été, mis de côté à cause d'une blessure ou? Non, il a refusé, là, semble-t-il. Je pense pas que Théodore t'ait blessé. Non, effectivement, d'ailleurs, ce que j'avais entendu, moi, c'est qu'il avait refusé aussi. Refusé? Okay. Ouais. Ouais, donc pour la troupe de Ken Hitchcock, c'est tout un casse-tête là, de faire cette équipe-là, parce que oui, on lance des invitations aux 80, mais en bout de ligne, tu te retrouves avec Devin Dubnyk, James Reimer dans tes filets, tu sais que c'est pas tout le monde qui accepte les invitations, ça en est une preuve encore là. Donc ça commence bientôt là du côté d'Équipe Canada. On parle maintenant de l'équipe des moins de 18 ans, on reste avec le Canada qui s'est incliné là en finale consolation au championnat des moins de 18 ans. Contre les Russes, donc une quatrième position, c'est mieux que la neuvième position de l'an passé, si je me trompe pas, là, c'était ça, alors que Guy Carbonneau était l'entraîneur, ça avait été assez affreux, merci comme performance, mais là encore, on s'incline, donc pas de prix, là, pas de médaille du côté de l'équipe canadienne, ça vous inquiète-tu un peu, boys? De voir que la puissance mondiale est incapable de s'approcher des médailles à deux reprises. Bon, on se demande si la puissance mondiale se déplace pas plus vers l'Europe avec la Russie, la Suède et tout ça. Là, on a eu les États-Unis qui ont remporté le tournoi, le championnat. Mais vous savez, le championnat mondial n'est pas dans un endroit, n'est pas situé dans l'année de façon à favoriser les équipes nord-américaines. Puis vous savez, on entend souvent de la part de pseudo-analystes dire que les Russes sont pas intéressés à venir jouer dans la Ligue nationale puis de gagner la Coupe Stanley parce que c'est pas leur rêve de jeunesse. Bon, selon moi, c'est un peu une foutaise, mais du côté des joueurs nord-américains, lorsque t'as été éliminé de la ronde d'une ronde quelconque pour te rendre à la Coupe Stanley et que tu dois te rabattre sur Team Canada qui là tu te joins à une équipe en cours, tu sais ça peut être un peu plus là peut-être un peu moins intéressant pour ces joueurs là. Moi je pense qu'on devrait y aller avec des joueurs sans nécessairement y aller avec les pros ou y aller avec des joueurs qui sont déjà éliminés depuis un certain temps, bâtir le cœur de l'équipe avec ces joueurs là puis peut-être aller chercher des joueurs là peut-être un peu plus jeunes ou un peu plus soit dans la East Coast soit dans la Ligue américaine, question d'au moins avoir quelque chose là, de des joueurs qui sont motivés à y aller. Tu es revenu sur le championnat du monde. Ouais, hein? T'écoutais pas à ce qu'on disait. Pas en tout. Vous parliez pas de championnat du monde? Des moins 18 ans, là, on avait descendu. C'est le même concept, là, dans le fond. Ben non, ça regarde. Oui, ça vraiment. Je suis d'accord avec toi, c'est ce qu'on mais fait non, du côté oui, d'équipe Canada. J'ai manqué le bout de moins de 18 ans. On parlait des moins de 18 ans, parce qu'on disait, ça vous inquiète que le Canada, en deux ans d'affilée, n'ait pas atteint la ronde des médailles. Ben, du moins, a atteint la ronde des médailles cette année, mais n'ait pas remporté de médaille. Moi, ce que je dirais, c'est que la puissance mondiale, ça va être les États-Unis dans pas longtemps, dû à la qualité de son programme qu'on a développé. On développe une très petite élite qui a de l'argent parce qu'elle a envoyé ces jeunes-là à là-bas, au centre de développement des années des moins de 18 ans. C'est pas facile, ça coûte des cents à Ann Arbor. Mais en bout de ligne, la date, les résultats sont là pour le prouver. On a battu les Suédois en prolongation, donc on lève le trophée là, du côté des moins de 18 ans. Le problème avec le Québec, le Canada, tout ça, c'est que il est apparu de ces derniers temps un hockey qu'on appelle, on n'a plus le hockey de compétition au niveau Pee-wee, Bantam, tout ça, on appelle ça un hockey de participation. Tout le monde peut participer. Le hockey d'élite est quasiment disparu ici, où on se rend pour hockey d'élite, ça coûte extrêmement cher, pas beaucoup de subventions. Il y a très peu de joueurs qui peuvent se rendre au hockey d'élite. Ce qui amène, il y a de moins en moins de joueurs québécois et canadiens qui sont aptes à jouer un hockey de haut niveau. J'ai tendance à être d'accord avec ce que tu dis, mais c'est que en même temps, c'est des deux côtés. C'est non seulement on a un peu abandonné le côté hockey d'élite au Québec, mais la raison de cet abandon, c'est que c'était de la merde, là, le hockey d'élite au Québec. On n'a pas d'entraîneurs, les entraîneurs sont bénévoles. C'était géré comme des sans-dessins, puis c'était le fils de l'un puis le fils de l'autre qui allait dans le hockey d'élite. C'était pas du hockey d'élite comme ça devrait l'être. Donc oui, là, il y a un gros réaménagement qui est à faire à ce niveau-là, principalement au Québec. Je sais pas nécessairement ailleurs au Canada comment ça moins se passe. Ailleurs. J'ai l'impression que c'est quand même moins pire, mais j'imagine qu'il y a quelque chose à faire là. Il faut absolument shaker cette marmite-là là, qui va pas très très. La preuve que c'est moins pire ailleurs, il y a autant de joueurs qui viennent des Maritimes que du Québec au prochain repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ça en dit assez long. Je veux dire, ils ont à peu près le quart de population de ce qu'on a, donc c'est assez représentatif. On fait une pause au retour. On parle du hockey Ligue nationale. Le Canadien, les Canucks. Qui trouvent le moyen de perdre et de reperdre. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. Très C'est fou dans vos oreilles. 89. 1. Les nouvelles sont une présentation de l'inconduitedeparti.com. Chronique, opinion et beaucoup plus. Ici Marc-Antoine Lavoie. Trois rencontres étaient disputées hier dans la Ligue nationale. Tout d'abord, les Blackhawks ont évité le pire hier en disposant des Canucks de Vancouver par la marque de 4-3. C'est un but de Ben Smith en fin de première période de prolongation qui a scellé l'issue du match. Chicago a donc égalisé la série 3-3 et forcera la tenue d'un match ultime mardi. Du côté de Nashville, les Predators ont remporté leur première série de leur histoire hier en vainquant les Ducks par la marque de 4-2. Il leur aura fallu 6 rencontres pour clore la série. Et à Buffalo, les Flyers ont réussi à créer l'égalité dans la série les opposant aux Sabres. Il a fallu se rendre jusqu'en prolongation pour voir Ville Leno fermer les livres et permettre aux Flyers de l'emporter par la marque de 5-4. Après avoir perdu en demi-finale contre les États-Unis au championnat du monde des moins de 18 ans, le Canada affrontait la Russie pour l'obtention de la médaille de bronze. La partie s'est soldée par un pointage de 6-4 en faveur des Russes. De leur côté, les États-Unis ont remporté l'or contre la Suède. Dans la Ligue américaine de hockey, maintenant, les Bulldogs ont éliminé les Barons d'Oklahoma en 6 rencontres grâce à une victoire de 4-1. Hamilton affrontera soit les Moose du Manitoba ou les Monsters de Lake Erie en deuxième tour. Au tennis, Rafael Nadal a remporté pour une sixième fois de suite le tournoi de Barcelone. Nadal a vaincu David Ferrer en 2-7 de 6-2 et 6-4 pour aller chercher sa 34e victoire de suite sur terre battue. Et finalement, je vous le rappelle, le Canadien fera face à l'élimination demain soir à l'occasion du sixième match de la série, les opposant aux Blues de Boston. Le Canadien tentera ainsi de gagner un premier match à domicile dans cette série. Voilà, c'était nos informations de l'inconduitedeparti.com. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook. Arcade Fire avec la chanson Ready to Start. Arcade Fire, c'est qui ont à peu près tout gagné cette année, ce qui était possible de gagner, album d'année aux Grammys. On parle maintenant avec National, parlant de gagner, de perdre, là, on est en plein dedans dans les séries éliminatoires et quel drame. Avant de parler du Canadien, là, Vancouver's crying. Ah, River. Moi, je trouve pas que c'est un drame. Mais non, mais quel drame pour les gens de Vancouver. Ah ouais, pour Vancouver, dire, ouais. Quel drame, là. On se dit cette année, bon, enfin, les Blackhawks ne seront pas un obstacle. Leur équipe est pas bonne et ils ont tout perdu après la Coupe Stanley. Ils ne nous battront pas cette année. Tout ça avec un accent anglais et un peu asiatique, vu que c'est Vancouver. Et non. Claque d'en face, une, deux fois, trois fois. Hier, au moins, c'était un peu sérieux, mais deux autres, deux bonnes volées à coup de pied puis coup de cap d'acier en plein dans le popotin. Les Vancouver ne sont pas capables de se relever de ça, là. Je peux pas croire. Hier, on dispute un bon match enfin. Ouais. On domine en prolongation. Paf! On compte sur une pièce de jeu de Marcel Ossa. Ah, Marianne. Marianne Ossa, là. Ah ouais, pas Marcel. Sublime, hein? Oh! Surtout que là, du côté de Vancouver, ce qui va être très difficile, c'est qu'on retourne à la maison et que les fans sont pas généralement très tendres à l'endroit de Roberto Luongo, qui, de toute façon, n'a pas le choix d'être devant le filet. Là, tu peux pas aller avec un septième match avec Sanford. Mais il est blessé, de toute façon. Ouais, c'est ça. Mais il est blessé. Mais, ouais, Corey Schneider. Schneider, oui. Pourquoi j'ai dit Sanford? C'est un pop-up des Whalers qui m'est arrivé. Non, mais Luongo, Pourquoi les Whalers? Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai une carte de hockey de Curtis Sanford avec les Whalers. Curtis Sanford appartenait bel et bien aux Canucks l'an dernier. Ouais, c'est ça. Il y a deux ans plutôt, là. Mais son Luongo, il a juste été chercher la défaite hier. Là. C'était pas lui qui il l'a eu à sa fiche, là, mais c'est Schneider là, qui l'a eu la défaite. Là. Ben là, c'est sur un tir de pénalité pour ceux qui n'ont pas vu la scène. Tir de pénalité accordé à j'ai un blanc sur qui c'était, mais tir de pénalité accordé et là du côté de Sanford on fait le grand écart, plus grand que ça. Tu traverses le Grand Canyon, tu peux te faire un pont avec ça. S'étire un muscle ou s'étire bon bien sûr il a été avec le bon vieux bas du corps là. Ce qui fait que et là-dessus c'était un but là, pour Michael Frolic, c'était Frolic, Michael, l'ancien de Saint-Nic de Rimouski. Qui compte, Schneider doit sortir du match. Luongo entre dans la partie et non, je crois pas qu'il y a beaucoup de choses à se reprocher là, du côté de non, il a quand même fait Luongo. Il a bien fait les choses là, définitivement. Ben même Schneider, même Schneider, il a pas eu une mauvaise performance. Non, il a fait des belles arrêts hier. Ça allait correct, surtout pour une équipe qu'on s'attendait tout simplement plus à rien. Là. Tu te fais planter comme ça, tu t'attends à quoi? Là? Luongo a arrêté 12 des 13 tirs et, disons-le, pouvait pas faire énormément là, sur le but gagnant. A fait le premier arrêt. Mm-hmm. Ben Smith qui rentre au filet et qui déjoue Luongo qui était déjà hors position, c'est-à-dire qu'il est tombé visage premier là, sur la glace. Donc, a bien tenté de l'arrêter avec une jambe soulevée, mais le miracle n'est pas arrivé. Messieurs, pensez-vous que du côté de Vancouver, on peut renverser la vapeur? Il y a beaucoup de clichés dans le sport, là, mais un d'entre eux, c'est que le hockey, c'est mais le sport en général, c'est 80% mental, on le dit souvent. 20% effort et tenue physique. Non, 30%. Ben, 80 plus 20, ça fait 110, puis les gens de TQS sont heureux. OK. Bon, c'est ça, parfait. On peut dire ça, TQS, de toute façon, ça n'existe plus. Tu peux plugger Pierre à feu aussi, si tu veux. Non, ça, non plus, ça n'existe plus, OK. La croisière, ça m'use. Ouais. Mais, tu sais, on voit souvent des... Marc-Antoine, il n'y a aucune idée, c'est quoi, là? Zéro! Zéro! Il y a 20 ans, là. Non, mais Pierre à feu, ouais, la croisière, ça m'use peut-être pas, là. Pas Pierre à feu, Pierre Rinfraie. Non, Pierre à feu. Ah, t'as dit Pierre à feu? Oui, moi, j'avais Pierre Rinfraie. Oh là là, c'est là un petit poke. Ouais, bon. C'est ça, je vais continuer mon point. Vas-y. Pour une fois, je n'ai un. Non, mais. Ouais, c'est ça, ben. C'est 90% mental, 20% physique. Okay, on va dire ça. Le proverbe, là. Okay, l'adage. Bon. C'est ça, on se demande souvent pourquoi il y a des équipes qui ont de la misère contre d'autres équipes. Ça change de saison en saison, les joueurs changent année après année. On dit Montréal de la facilité à battre Boston, peut-être pas cette année, là. Mais. Fini. C'est ça, c'est pas fini. Mais c'est ça, c'est le mental. Puis là, ça commence à rentrer dans la tête de Luongo. Ça commence à rentrer dans la tête des joueurs. Veux pas, inconsciemment, les joueurs vont peut-être moins aller, vont peut-être plus rester réservés entre eux, moins forcer le jeu parce qu'ils veulent pas commettre d'erreur. Et le gardien aussi, il arrive là, même s'il se dit, on les bat, on est capable, on a une meilleure équipe sur papier. Le gardien, inconsciemment, derrière lui, hey, j'ai de la misère à battre cette équipe-là. Oh non, les Blackhawks, ça revient à soi. Cette équipe-là, j'ai vraiment de la misère à les battre. Puis c'est ça qui est en train d'arriver avec les Canucks. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Du côté des Hawks, tout ce qu'on va avoir à faire, c'est continuer de jouer comme on joue et mettre quelqu'un relativement gros devant Luongo. Ça va lui rappeler des souvenirs attendrissants qu'il veut probablement pas revivre à Vancouver. Et il faut absolument faire taire la foule, qui sera pas très difficile à faire taire à Vancouver, selon moi. Un bon but en partant du côté des Hawks. Ah ouais. Et j'aurais tendance à dire que c'est dans la poche. Ouais. Ça serait un revirement de situation, les gars, assez historique. Ouais. Parce qu'on le sait, c'est arrivé seulement 3 fois dans l'histoire de la Ligue nationale. Qu'une équipe revient de l'arrière, entre autres les Flyers l'an dernier contre Boston. Et cette année, ça pourrait être possible. Ce serait quand même assez intéressant de voir toutes les possibilités, toutes les analyses, tous les clichés qui vont sortir si 2 fois de suite on a un retour de l'arrière. Attendez-vous, le mot magique, ça va être parité dans la Ligue nationale. Non, surtout avec la remontée. Parité, on va dire qu'une équipe comme Chicago a appris à gagner l'an dernier. Ah ouais, c'est ça. Malgré la perte, quel caractère, ça y est, donnez-leur la Coupe Stanley. Ouais. Mais réellement, je vois mal comment Vancouver, ça va prendre tu parlais du buteau. L'équipe qui va marquer le premier but, là, le prochain match, il est je sors ça dans quelques secondes. L'équipe qui va marquer le premier but, il est mardi, hein, mardi exactement. Qui va marquer le premier but va avoir un avantage notable au niveau de la foule. Si Vancouver marque le premier, on peut essayer de ramener un peu de momentum sur notre côté, mais là, le momentum est du côté totalement de Chicago. Ah oui. On doit être extrêmement nerveux là du côté de Vancouver. On joue sur la pointe des pieds. Et même si on a disputé un excellent match, même si on a dominé la prolongation, on n'a pas les points en bout de ligne. Et c'est ça, on n'a pas la victoire en bout de ligne. C'est un peu ce qui est arrivé, en fait, aux Canadiens dans les deux derniers matchs. On domine relativement le match. Pas nécessairement qu'on le domine, mais on a le match en main. La dernière partie, on méritait la prolongation. Oui, effectivement. Puis, malheureusement, on s'en va avec une défaite. On revient à Montréal à 3-2, mais c'est beaucoup moins dramatique du côté de Montréal. Revenir à Montréal à 3-2, t'es adossé au mur, mais t'es adossé dans ton mur. T'es chez vous quand même. Là, du côté de Vancouver, oui, on va être à Vancouver. Mais à 3-3, c'était 3-0, c'est quelque chose. Là. Ça doit être très difficile pour le moral. Déjà qu'à 2-0 du côté du Canadien, je trouve que la remontée fait un peu mal. Mais je suis pas inquiet pour le Canadien. Je suis vraiment inquiet pour les Canucks, par contre. Avant de parler du Canadien, là, on revient dans une minute, mais je veux tout d'abord savoir vos prédictions pour ce match de mardi entre les Canucks et les Blackhawks. C'est dur à dire parce que Luongo peut aussi bien sortir un jeu blanc avec le caractère qu'il peut avoir dans ce gars-là. Ça va dépendre de la performance de Luongo, ça va dépendre de qui compte le premier but. Moi personnellement, j'aimerais bien ça que les Blackhawks gagnent. J'ai l'impression que ça se peut que ça arrive. Je crois plus que ça va être les Blackhawks que Vancouver qui vont sortir victorieux de cette série-là. Moi, tu vois, tu dis Luongo et caractère. Moi, j'ai de la misère à y voir un peu de caractère en Luongo. C'est pas la première fois qu'il semble un peu là débousselé. Il y a le talent pour le faire. Oui, côté du talent, on est tout à fait d'accord. Ouais. Mais je pense pas qu'il y ait le fameux 90% mental. C'est pas un money player. Non, exactement. C'est vraiment pas un money player. C'est pas un joueur qui dans les occasions importantes est présent. On parlait beaucoup des Sedin aussi. On a de la difficulté là du côté des Sedin à vraiment dominer le jeu comme on l'a fait lors des trois premiers matchs du moins. Et puis du côté de Chicago, on a des jeunes qui ont pris une maturité exemplaire avec Kane et Taze. C'est vraiment impressionnant. Bolin qui joue le travail de Bufflin de l'an dernier. C'est très impressionnant. Je vois pas comment Vancouver va être capable de revenir, mais je serais très heureux pour eux pareil. On le disait aussi, l'équipe qui rentre par la porte en arrière d'une série, souvent elle qui arrive avec le plus de momentum. Rien à perdre. Ben aussi les Blackhawks ont eu une belle séquence victorieuse avant de rentrer en série là pour se mériter une place. Alors que crédit, les Blackhawks sont revenus 3-0, je veux dire il y avait tout pour pas revenir puis ils l'ont fait la date là. De mon côté, la raison pourquoi je veux que Vancouver l'emporte, c'est parce que imaginons que le Canadien se fait éliminer aussi. Plus d'équipe canadienne en série. C'est plate. Puis c'est pas juste au niveau du fait que c'est le Canada. Puis on est le nid pour le hockey à travers la planète. Mais c'est plate au niveau de la couverture. Il y a comme moins d'émotions. J'écoute beaucoup le hockey à CBC. Beaucoup moins d'émotions. Beaucoup moins de on se donne un peu moins du côté de la rédaction. Ce qui fait que c'est un peu dommage. Et j'aimerais ça voir les Canucks avancer un moment donné en série. Tu sais, faire de quoi? Passer à travers Chicago, mais j'ai l'impression, moi aussi, que ce sera pas pour cette année. La Pierre avait un beau rôle aussi hier. On lui donne un peu plus de glace. On l'a vu souvent en prolongation. Oui, parce qu'en prolongation, il ne restait plus beaucoup de force là, du côté de Vancouver. On est épuisé mentalement comme physiquement. Mais bon, on va voir. Mais je l'ai dit, l'équipe qui va compter le premier but demain va remporter le match. D'accord. Tout simplement. On parle maintenant avant les matchs ce soir. Pittsburgh, Tampa Bay et San Jose contre Los Angeles. Mm-hmm. 3-2 dans les deux séries là en faveur de Tampa Bay Pittsburgh et San Jose. Vos prédictions, messieurs? Pittsburgh menait 3-1 dans sa série. Tampa est revenu avec une mornifle. Oui. 8-2. Donc, si l'explosion offensive du côté de Tampa se poursuit, il y a de quoi de très intéressant. On parlait de Luongo tantôt qui a peut-être un petit peu de difficulté là, au niveau mental. Je pense que Marc-André Fleury, c'est sensiblement la même chose. Oui, il a gagné la Coupe cette année, mais il y avait l'équipe pauvre. J'y enlève aucun crédit, cela dit. C'est un excellent gardien, mais je pense que sans Crosby, sans Malkin, si le Lightning est capable de prendre les devants dans le match avec un 2-3 buts d'écart, c'est terminé, ça va être 3-3 et on rentre à Pittsburgh. Ouais, surtout que le match se déroule à Tampa Bay. Mm-hmm. La foule va du côté du Lightning. Mais tu vois, ça, j'ai plus de difficultés. C'est pas vraiment une foule très très volubile, très impressionnante. En série, c'est une foule. Je suis d'accord, mais c'est pas une foule... c'est pas un facteur déterminant. C'est pas la foule des Flyers. C'est pas la foule à Montréal, c'est pas la foule à Boston, c'est pas la... Mais c'est pas la foule à Pittsburgh non plus. Non, t'as pas tort. Mais ouais, bon, Pittsburgh est quand même allé deux fois en finale de la Coupe dans les dernières années. T'sais, on a pris un peu de galon. T'aimes pas Bill le gagner aussi. Ouais, il y a 100 ans. Tant qu'à ça, il y a 100 ans. Non, mais façon de parler. Façon de parler, j'ose espérer, c'est pas les Wanderers de Montréal. Non, là. Non, quand même les Maroons. Les Maroons. Mais sinon, San Jose, Los Angeles, j'espère que San Jose va closer ça ce soir. Parce que sinon, là, ça va être très difficile. Dans un septième match, je donne pas cher de la peau des Sharks. Puis on est à Los Angeles, mais bon, dans cette série-là, peu importe où on joue à domicile. Donc, ça va être intéressant. Ça va être très intéressant. Il y a des coudes qui ont été portés très haut dans cette série-là. On va voir là, du côté. C'était du quand côté même de des matchs serrés aussi. Le premier match en prolongation, le troisième match en prolongation aussi. Mm-hmm. Le dernier match, juste 3-1, un écart de deux buts entre les Kings et les Sharks. Mm-hmm. Et là, on se présente à Los Angeles avec une équipe. Quand on a le dos au mur, on y va avec plus d'efforts, on n'a rien à perdre. J'ai bien l'impression qu'on va se rendre en septième match. Non, même si j'ai prédit les Kings dans cette série-là, j'ai l'impression que San Jose va fermer ça ce soir-là. Fermer les, mais elle va jouer dans les filets. Ouais. Elle va jouer dans les filets parce que c'est pas fameux. Il y a une chose qui est claire, San Jose ira nulle part en série cette année. Ouais. Ça, je me fais même pas d'inquiétude. Et finalement, Nashville à Nîmes qui s'est terminé hier. Ouais. Très content pour les Prédateurs de Nashville qui accèdent à une deuxième ronde. Pour la première fois de leur histoire. C'est un peu ce que ça prenait pour le marché de Nashville pour attiser la flamme un petit peu. Puis à partir de là, ben écoutez, tout est permis là pour les Prédateurs. Du côté d'Anaheim, ben on a eu notre chance il y a quelques années, deux finales de la Coupe cette année. Donc je suis moins inquiet pour eux. Mm-hmm. Bon, ben on y arrive. On parle du Canadien de Montréal. Défaite crève-cœur samedi soir au centre au TD Bank North Garden. Je suis tombé de ma chaise. À travers le fait que je suis un journaliste, je suis aussi un partisan. Quand je ne couvre pas un match, j'avais mon chandail du Canadien devant la 60 pouces chez mon ami Bendoff. La bouffe était bonne, la bière était excellente. Et après ça, j'ai eu la claque dans le visage en prolongation, tombé de haut. Ah, on faisait tout correct là, du côté du Canadien. Ouais. On avait rien à s'en reprocher. C'est dommage parce que dans cette série-là, à part peut-être... là, quelques présences, le Canadien n'a rien à se reprocher. Le Canadien n'a jamais été déclassé dans aucun match. Puis s'il y a quelque chose, l'avantage a plus souvent été du côté du Canadien que du côté des Bruins. Et Price fait le travail, Thomas fait le travail. Il y a pas personne à pointer du doigt du côté du Canadien. Il y a pas personne à pointer du doigt du côté des Bruins. Il y a peut-être Chara là, qui connaît une série un peu plus difficile, mais je veux dire le gars il sort quand même d'une gastro là, donc on se replace. Mark Recchi c'est pas fort, mais c'est pas dramatique. Ouais. On parlait de Ryder qui était complètement absent. Maintenant il vient de revenir. Il y a eu l'arrêt du match. Brad Marchand là, quel joueur, sublime, c'est magnifique. Magnifique à voir aller ce gars-là avec Patrice Bergeron dans les prochaines années. Si Boston, si Chiarelli est capable d'aller leur chercher un ailier gauche là, à Bergeron et Marchand, là, attention, ça va être tout un trio. Imagine si Edmonton aurait pris Tyler Seguin au lieu de Taylor Hall. Hall qui est un ailier gauche. Effectivement. Boum, le trio. Effectivement. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Cette série-là est, selon moi, une des plus belles à date dans celle qui se passe. Il n'y a pas de match où une équipe a été déclassée. Il n'y a pas eu de passagers dans l'équipe. Il n'y a pas eu d'arbitres incompétents qui viennent changer le tournant du match. On sait, entre autres, lors du sixième match entre Chicago et Vancouver, beaucoup de fans des Canucks se sont plaints là, de l'arbitrage assez dans un sens. Tout est là, la robustesse, la façon de jouer, les unités spéciales sont intéressantes. Je trouve ça magnifique à voir et j'espère juste que le Canadien va être capable de gagner demain pour qu'on puisse étirer cette série-là dans un septième match. Je pense que ce serait le point culminant de la première ronde des séries jusqu'à date dans la Ligue nationale. Évidemment, bon, on va dépendre du septième match entre Chicago et Vancouver, mais il y a de quoi de très palpitant là qui se passe. Il y a une belle locomotive du côté de la LNH pour attirer les feux sur leur série éliminatoire, mais comme ils sont incompétents, ben ils font pas. Parce que moi ça de toute façon, t'as pas vraiment besoin de faire de la promotion pour une série canadienne-Boston. Non, je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'en dehors des amateurs de hockey et en dehors des fans de Montréal et des fans de Boston, il y a moyen là d'attirer les feux sur le hockey. Parce que ce qui se passe là, c'est du hockey à son meilleur. Et même du côté de Chicago-Vancouver, oui, OK, là, c'est l'histoire, c'est 3, on remonte de 3-0. Mais il y a des volées, là. Il y a des 8-2 puis des 7-0 dans cette série-là. C'est pas du beau hockey, ça, là. Il y a surtout de l'histoire, là, dans cette série-là. Effectivement. Là. Du fait que ça fait 2 ans, puis du fait que 3-0, puis bon, toutes ces choses-là. Mm-hmm. Mais il y a de l'histoire en Boston aussi, entre Boston et Montréal, surtout cette année. Surtout depuis toujours. Là. Et l'absence, c'est plate à dire, là, mais l'absence de Pacioretty fait très mal là, du côté du Canadien. On parle de la perte de Desharnais aussi. Blessé un genou, j'ai vu ça ce matin, là... C'est ordinaire, ça aussi, parce que des gars comme Taylor Payette qui ont eu 123 chances de marquer, pas capable de la mettre dedans. Moen, sa première ligne avec Gianta et Gomez, là, je comprends pas pourquoi on n'a pas laissé d'Arche. Je sais pas. J'avais choisi d'Arche en plus en prolongation. Je me disais, il va rentrer au net, un garbage goal. Moi, j'avais pris Ryan White. Oh boy. Mais il a fait une présence, puis ça a pas marché. Ouais, c'est ça. J'ai bien l'impression que le Canadien manque de jus. Le Canadien va manquer de jus. La défensive du côté du Canadien commence à être fatiguée énormément. Ça va prendre un match miracle du côté de Carey Price. Je pense que c'est ce qu'on va avoir mardi. Ouais. Selon moi, là, pour une des rares fois dans cette série-là, Boston va sortir évidemment avec la rage de vaincre. Boston a beaucoup plus l'instinct du tueur que le Canadien pourrait l'avoir. On l'a vu lors des 3 derniers matchs, en fait. Là, c'est à ce niveau-là. Moi, je pense que Carey va tenir l'équipe en première période, mais la deuxième période risque d'être difficile du côté du Canadien, comme elle l'est toujours, en fait. Et souhaitons arriver en troisième période sans avoir à jouer du hockey de rattrapage, sinon c'est terminé. Mais je suis pas d'accord avec les gens qui disent que c'est toute une pente à remonter, tout ça. Je crois la série, j'écoutais ça sur les lignes ouvertes, là, on disait que c'était une pente incroyablement longue, dure à remonter pour le Canadien. Ça a été toujours serré. Les deux derniers matchs sont décidés en prolongation. Mm-hmm. Le dernier match, le Canadien a beaucoup plus de chances de remporter la victoire. C'est pas terminé. Oui, il y a une pente à remonter, mais c'est pas une 100%. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Il y a pas de drame. Il y a absolument aucun drame là. Il y a pas de. De raison de s'arracher les cheveux de sa tête. Tout va bien du côté du Canadien. On ne pourrait pas rien faire de mieux. Donc, reste à ce que la chance soit de notre côté. Et puis, espérer un septième match. Mais là, je veux vous parler du septième match, là, si on a le temps. Là. Ben, moi, pour donner ma prédiction, je suis totalement contre ce que vous dites. À l'opposé, je crois que la pente est trop difficile pour le Canadien à remonter. Je pense qu'on n'a pas assez d'énergie. Je pense que le momentum est totalement du côté de Boston. Pas que l'effort est pas là, pas que on sait plus quoi faire. On sait quoi faire, mais ça n'a pas marché. Et particulièrement face à l'échec du dernier match. On gagne le dernier match, le cinquième match. Je parle absolument pas comme ça. Bien sûr, parce que c'est 3-2 dans la série, mais aussi parce que l'énergie on va avoir eu un regain. Mais là, si on joue à, t'es sur la liste d'infirmerie chez le Canadien de Montréal. David Desharnais semble s'être ajouté selon les rumeurs. Jeff Halpern revient d'une blessure, c'est pas vrai, il est à 100%. Max Pacioretty, on oublie ça, on le reverra pas cette année. Benoît Pouliot semble très blessé dans son cerveau. Saul Paul, c'est pas revenu. Spacek, c'est pas revenu. Josh Georges joue pas très, peut pas jouer. Andriy Markov peut pas jouer. Il manque quelque chose. Piquet, écoute, on peut pas demander à Piquet de faire la lune. On a fait quelques erreurs aussi dans le match l'autre jour. Des erreurs de je veux trop en faire. Mm-hmm. Donc ça cause un revirement. Tombe sur la glace. Ce qui est une chance peut-être là, du côté de Montréal, ben évidemment, c'est ça. Ça prend de la chance. Il faut qu'elle cette fameuse. Tu sais, en début de série, je parlais des impondérables, puis c'était donc bien quelque chose de ridicule à essayer de parler. Ben, je vais changer mes paroles parce que dans une série aussi égale que ça et aussi bien disputée que ça, c'est les impondérables qui vont faire la différence. Et un tir sur Thomas, c'est toujours un tir menaçant. Donc, on sait jamais ce qui peut arriver. Il peut te laisser passer un papillon, mais c'est le but qui fait la différence. Puis après ça, il en laisse passer un autre. On a le momentum, la foule est là. Je pense pas que les Canadiens, si on prend les devants 3-1 en deuxième période, on va se faire faire le coup une deuxième fois. Là. Donc, surtout Thomas, à l'âge qu'il a, il a dit lors d'une entrevue que en première période de prolongation, il commençait déjà à avoir des crampes dans les jambes. Il disait qu'il était... On sent, là, c'est pas un jeune gardien. Il n'y a pas l'énergie dans le tapis. Il a même été repêché par les Nordiques. Hein? Ça donne, hein? Ça donne l'idée. Ça donne l'idée il y a longtemps. Les gars, s'il y a un septième match, c'est mercredi. Ouais, deux matchs à deux jours. Quelle stupidité. Quelle aberration, quel non-sens, quelle connerie de la part de la Ligue nationale. Je t'explique. Explique-moi, mais c'est pas la bonne raison, pareil. Je t'explique la situation. On ne pouvait pas faire le match aujourd'hui, tout simplement parce que c'est les Celtics qui avaient l'aréna. Ah oui, je suis d'accord. Okay? C'est pas grave. Donc, à partir de là, on se doit du côté de la Ligue nationale d'avoir commencé notre deuxième ronde vendredi. Mm-hmm. Non, mais okay? C'est à Montréal. Hein? Le sixième match à Montréal, puis le septième match à Boston, un jour, un après l'autre. Ouais, non, mais on aurait pu jouer aujourd'hui à Montréal. Ah, c'est vrai. C'est ça l'affaire. C'est de toute façon, il y a pas de situation puis ah ouais. Il y a pas de raison. C'est stupide, c'est con, c'est niaiseux, c'est je m'en fous que ce Lady Gaga soit à Montréal à soir, je sais pas là, je on continue d'en jaser, je vais checker à soir. On va voir de quoi là, au Centre Bell parce que moi non plus, oui, j'avais en réflexion que c'était à Boston. Parce que là c'est en série, on s'en fout des méchants mardis. Oui, en effet. ça a plus rapport là, ça prend un match à tous les deux jours là, comme toutes les autres séries. Y a-tu de quoi au Centre Bell à soir? Ça sera pas long, là. 25 avril. Ouais, effectivement, c'est Lady Gaga ce soir. mais honnêtement, là, who care about Lady Gaga? Là, change-moi ça de non, place. Non, tu peux pas. Si c'est impossible, c'est des ententes qui sont prises demain. D'avance. Qui sont prises d'avance. Demain, d'accord, mais... demain est à Ottawa, puis après ça, est à Rodden. Je suis d'accord, mais à plus forte raison à Rodden. Tu connais beaucoup trop l'horaire de Lady Gaga. À plus forte raison, là, de la part du Centre Bell, on a manqué notre coup à ce niveau-là. Ouais. Parce que quand même que Lady Gaga est prévue depuis le mois d'octobre, là, je m'excuse, là, mais si le Canadien est en série, tasse-la, Lady Gaga. Tu feras jamais autant d'argent avec Lady Gaga au Centre Bell que le Canadien. Tu vas la faire pareil, ton argent. T'es d'accord avec moi? Oui. Tu vas la faire mardi. Oui. Tu peux pas tasser ça. Tu demandes à un septième match de se produire en 24 heures entre Montréal, Boston. C'est stupidité. Je le sais. Incroyable. Je le sais, mais t'as pas le choix. Mm-hmm. C'est comme ça. C'est pas plus grave que ça. Au moins, c'est la même chose pour les deux équipes. Les deux équipes partent de Montréal. C'est ça. C'est deux équipes. Ah non, ça, je suis tout à fait d'accord. Je dis pas que ça a un avantage envers qui que ce soit. Je dis que c'est aberrant pour les deux équipes. Écoute, il se vendra juste plus de pizza mardi et mercredi à Montréal. Des gens qui rentreront pas travailler jeudi matin. En terminant, les matchs au Centre Bell. La semaine passée, on avait parlé des écrans géants qui étaient posés à l'extérieur puis qu'on diffusait le match. On enlève les écrans géants juste avant la tenue du match. Je trouve que c'est un manque de respect de la part à la fois de l'impression que c'est à cause de la ville. C'est ça. En fait, un manque de respect à la fois de la part des élus municipaux puis à la fois également de la part de, selon moi, là, le service de sécurité de Montréal. Là, je veux pas dire le service de police parce que je veux pas mêler des policiers qui ont rien à voir là-dedans, mais la sécurité civile du côté de Montréal fait vraiment honte à une ville qui a déjà assez honte comme ça. C'est très ordinaire. T'as qu'à moi, mettez-en juste pas. Exactement, c'est ça. Tant qu'à me mettre un écran géant pour me montrer RIS Infosport, là, regarde, niaise-moi pas. On va au-dessus de là. Parce que s'il y a, dans un grand stationnement, il y a 5000 personnes qui se ramassent là, pas de problème. Mais là, le problème, c'est qu'on est en plein milieu de Montréal, puis on sait ce qui est arrivé avec les débordements dans les dernières années, on peut pas se permettre ça. Tu mets des écrans géants dans la place du Centenaire, ça va être plein. Et la façon dont c'est fait également, le gros stationnement vide au Centre Bell, là, juste en face, tu mets des écrans là, tu remplis ça de monde, mets-moi des hot dogs, mets-moi de la bière, puis have fun. Non, c'est justement ça, c'est que c'est impossible au niveau du service de sécurité de faire ça, c'est trop risqué. Oui, mais non. OK? Effectivement, mais j'achète pas ça. Ouais. Fait que c'est tout. T'as pas le choix. À Oakland, ils font des tailgates à toi et dimanche soir. Il y a un char de police qui brûle à toi et dimanche. À Oakland, il y a du stationnement pour parker Trois-Rivières au complet. OK? Oh non, je comprends. C'est la différence. Mais... à Montréal, t'as assez de stationnement à 40$ de l'heure pour parker à peu près 22 personnes. Oh non, je suis d'accord. Mais c'est pour ça. Ça reste que, selon moi, il y a un petit manque. Il y a quelque chose qui pourrait être fait. Mettez-en juste pas. Mettez un écran géant au centre d'entraînement à Brossard, là, sur le terrain de soccer. Puis rentrer le monde là. Possible aussi. T'sais, faites ça comme ça si vous le voulez. Mettez ça au stade olympique, je m'en fous. Mais mettez-en juste pas au Centre Bell, vous courez après le trouble. Ça va une pause au retour. On parle de soccer, la chronique foot, comme tous les lundis, de Philippe. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. C'est fou dans vos oreilles. Vous allez tweet, toi, hein? La plus petite affaire, puis je vous sors de la game. Je veux du jeu propre, je veux pas de troupe, puis je vous suspends tweet, toi. Écoutez l'hymne national! L'inconduite de partie. Quel est le mot de passe pour passer la nuit avec toi? Quel est le mot de passe pour passer la nuit avec toi? Quel est le mot de passe? La femme sont faites pour se faire les yeux doux. Et comme je suis un homme et toi une femme, ce soir je tente le coup. Je cogne à la porte de ton champ de vision, mais personne n'est là, personne ne répond. Tes yeux restent fermés et tu me dis accès refusé. Je ne voudrais pas te surprendre, mais j'ai un porte-clés sur la lampe. Mille mots, lesquels veux-tu entendre? Donne-moi donc un indice. Je veux goûter aux délices. Oh, oh, oh. Quel est le mot de passe pour passer la nuit avec toi? Quel est le mot de passe pour passer la nuit avec toi? Quel est le mot de passe? Te faire la cour. Je sonne à la sonne de tout ton cœur, mais il n'y a personne à la demeure. Tu me tentes toute la nuit et tu me dis accès interdit. Je veux ramollir ton cœur de roche, je vais sortir ma langue de ma poche. Trouver les mots qui nous rapprochent, je veux te faire de l'effet. Donne-moi le code secret. Wow, wow, wow, quel est le mot de passe pour passer la nuit avec toi? Quel est le mot de passe pour passer la nuit avec toi? Quel est le mot de passe? Quel est le mot de passe? Yeah. Quel est le mot de passe? Quel est le mot de passe? Yeah. Damien Robitaille avec la chanson Mot de passe, une petite une cochonne pour notre dernière semaine. Hey. Notre dernière, ça te fait rire? C'est pas de maturité, si je suis jeune. J'ai l'impression, j'ai l'impression d'être dans mon cours d'éducation ben alors, sexuelle en 5e année. Tu m'as juste surpris. Ah, oh, d'accord. Je pense que je la trouvais. J'imagine pas quelqu'un être cochon avec ça tout le Ben non, arrête, là. C'est comme du Barry White québécois, ça marche pas. C'est du Barry White québécois, là. Et, ben, oui, totalement. Non, non. Ah, totalement. Donc, comme je disais, c'est un petit tune cochonne pour célébrer un peu notre dernière semaine. Sur les ondes de C'est fou, donc notre avant-dernière émission aujourd'hui, dernière émission vendredi, donc manquez pas ça. On va avoir un petit spécial, ce n'est qu'un au revoir mes frères ou quelque chose comme ça. Phil, qu'est-ce qui s'est passé en Ligue des Champions cette semaine? Ben écoute, c'est un peu triste parce que pour ma dernière chronique foot, il s'est rien passé. Ouais, il n'y a pas eu de match, il n'y a pas eu grand-chose. Évidemment, pas de déclaration incendiaire ni rien. Je veux dire, c'est les demi-finales, on est proche de la Ligue des Champions. Du côté de la Barclays League, oui, on est en fin de saison, mais il se passe pas vraiment rien non plus de palpitant. Le classement est toujours le même. Au niveau de la FA Cup, je vous en ai parlé la semaine passée, Manchester City va affronter j'ai un blanc, c'est pas grave, là. De toute façon, la FA Cup, c'est la FA Cup. Bolton, exactement. J'étais là en fin de semaine, d'ailleurs. T'étais à Bolton en fin de semaine? Oui, en Estrie. Je fêtais Pâques. Ah, tu m'as eu, là. You got me. Ouais. Mais donc ça, ensuite, là, je vous ai parlé aussi de la Copa del Rey, là, de la Coupe du Roi qui a été échappée sous l'autobus par Sergio Ramos. Ouais. Je vous en ai parlé vendredi dernier. Donc, il se passe pas grand-chose. Là. Quelques petites nouvelles, en fait, que je vais vous lire du côté de la UEFA. Du côté du Real Madrid, jamais 203, le Real Madrid FC espère que le dicton va se vérifier au moment d'accueillir son rival du FC Barcelone en demi-finale aller de l'UEFA Champions League. Le Real a par deux fois pris le meilleur sur le Barça au même stade de la compétition avant de soulever le trophée en 1960 et en 2002. En août, José Mourinho, qui est le coach, le big boss, effectivement, a éliminé les Catalans dans le dernier carré de l'édition 2009-2010 à la tête du FC Inter Milan, décuplant l'espoir madrilène de disputer la finale de Wembley malgré l'hégémonie actuelle des hommes de Josef Guardiola, qui se sont toutefois inclinés le 20 avril en finale de la Coupe du Roi contre le Real. Donc le Real gonflé à Bollock, évidemment, pour son match aller de la Ligue des Champions, fort de cette victoire, évidemment, dans la Copa del Rey contre le FC Barcelone. Ensuite, on se transporte du côté Schalke contre Manchester United. La dernière fois que Gelsenkirchen a accueilli un match du UEFA Champions League aussi important, Manuel Neuer était un ramasseur de balles à peine majeur qui avait ouvert grand les yeux à l'occasion de la finale de l'édition 2004 remportée par le FC Porto contre l'AS Monaco. Mardi, le gardien international allemand prendra place dans la cage au moment où le FC Schalke 04 affrontera le Manchester United FC en demi-finale de l'épreuve, demi-finale aller évidemment. Donc quand même, le gars passe de ramasseur de balles à gardien titulaire pour la demi-finale dans son propre pays. Quand même, des moments intéressants là, qui vont être vécus ici. C'est cocasse, pareil, parce que des histoires de même, il y en a quelques-unes, des gars qui ont commencé en bas de l'organisation, puis ont monté. Ouais. Alex Antopoulos, le directeur général des Blue Jays de Toronto, qui a quand même commencé comme bad boy avec les Expos de Montréal, puis maintenant, il est directeur général, est très jeune, pas vieux, Antopoulos. Effectivement. Du côté de Toronto. On fait ça aussi, cette façon-là de former des joueurs du côté du FC Barcelone. Je pense qu'on a eu Lionel Messi à partir de 12 ans dans nos rangs, donc évidemment, là, on le traîne un peu partout avec l'équipe, ramasse les balles, amène les gourdes et tout. Et maintenant, c'est rendu un des meilleurs joueurs sur la planète. Mm. Bon, j'aime bien dire que FC Barcelone recrute dans les orphelinats, même si c'est pas vrai, là, mais je trouve toujours ça un peu rigolo de leur titiller la barbichette. C'est une expression atroce que je viens de sortir, c'est pas grave. Ils ont des éclaireurs déguisés en sœurs. Ouais, c'est ça. Figo prédit un feu d'artifice pour le prochain Classico. Donc, j'en parlais dans la première nouvelle. Real Madrid affronte FC Barcelone. C'est les fameux affrontements qu'on appelle les Classicos. Donc, la demi-finale du UEFA Champions League entre le Real et le FC s'apprête à captiver l'imagination de tout le milieu footballistique. Footballistique, quel terme agréable à utiliser. Mais cette rencontre alléchante provoquera une variété unique d'émotions pour un homme en particulier. Luis Figo a excellé pour les deux clubs pendant sa brillante carrière de joueur, remportant deux titres de Liga et un trophée européen avec chacun d'entre eux. Son départ de Barcelone pour le Santiago Bernabéu en 2000 reste l'un des transferts les plus controversés de l'histoire, suscitant une combinaison d'incrédulité en Catalogne et de joie dans la capitale. En comptant notamment la palpitante demi-finale du UEFA Champions League en 2001-2002, l'ancien capitaine du Portugal a pris part à un grand nombre de classicos mémorables et ce, de part et d'autre. Donc vraiment, le Figo qui joue son cœur et son âme dans cet affrontement. Ça va être encore une fois, là, je le sais que je me répète, mais d'un intérêt à surveiller. Comment attirer les feux de la rampe sur ton sport? Ben, ça en est un magnifique exemple. Je rappelle les matchs. 26 avril, Schalke affronte Manchester United et c'est à Gelsenkirchen en Allemagne au stade Arena of Schalke. Et le lendemain, le 27 avril, Real Madrid affronte Barcelone et c'est en direct de Santiago Bernabéu à Madrid, donc dans la capitale. Ça va être très intéressant, encore une fois, cet affrontement. Du côté de l'Impact maintenant. Oui. L'Impact qui n'a toujours pas de victoire cette saison et n'a toujours pas de victoire lors de son match d'ouverture à Montréal depuis nombre d'années. Un point sur une possibilité de 9 là, présentement. Là. Effectivement, mais c'est un peu à l'image là, des débuts de saison de l'Impact qui généralement commencent lentement. Et d'autant plus cette année, l'équipe est à bâtir. Donc évidemment, la cohésion est difficile entre les joueurs. On le voit bien souvent aussi, surtout au niveau de la relance. On ne sait jamais si les joueurs doivent se donner la balle parce que le joueur est parti ou se placer en triangle pour contrôler. Donc, on a un peu de difficulté là, à ce niveau-là. La cohésion s'en vient, par contre, du côté de l'Impact de plus en plus. On le voit là, avec les fins de match, généralement, sont très intéressants du côté de l'Impact. Bill Godette, le gardien, qui fait du très bon travail également, là, tient l'équipe dans le match à chaque fois. Je vous lis la dépêche de la presse canadienne en ce qui concerne justement le dernier match de l'Impact. Décidément, le Stade Saputo n'est pas fait pour les matchs d'ouverture. Pour une quatrième année consécutive, depuis qu'il a élu domicile au coin des rues Sherbrooke et Viau, l'Impact de Montréal n'a pas été en mesure d'offrir une victoire à ses partisans alors qu'il a fait match nul de 0-0 contre le FC Tampa Bay. L'Impact a rarement menacé dans ce match et peut d'ailleurs se compter chanceux de sortir de ce duel avec un point au classement puisque ce sont les visiteurs qui ont obtenu les meilleures chances de marquer, largement dues aux largesses du gardien Bill Godette. Effectivement, Bill Godette qui a échappé à deux reprises le ballon Donc, qu'on aurait pu, évidemment, là, concrétiser du côté de Tampa Bay. Mais je trouve que la dépêche de la presse canadienne est quand même assez dure à l'endroit de l'Impact. On n'a pas quand même été autant dominé qu'on peut le laisser paraître dans cet article-là. Un grand vent également, là, du côté de Montréal, ouais, soufflait. Ça a été très difficile pour les deux équipes, là, de contrôler. De cadrer les ballons aussi. Oui, effectivement. Donc, encore petite nouvelle là, en terminant du côté de l'Impact. Eduardo Sebrango qui annonçait sa retraite lundi dernier, un peu après justement ma chronique soccer, donc j'ai pas pu vous en parler. L'attaquant Eduardo Sebrango a annoncé sa retraite lundi au Stade Saputo après une carrière de 12 saisons au niveau professionnel, dont 6 avec l'Impact. Sebrango, un Canadien d'origine cubaine qui a eu 38 ans mercredi dernier, a porté les couleurs de l'Impact de 2002 à 2005, puis lors des saisons 2009 et 2010. Il a récolté 45 buts et 10 passes pour 100 points. Il y a tiens que moi là, qui 45 buts et 10 passes pour 100 points. C'est pas grave. En 136 matchs de saison régulière, dont 104 sur la formation partante pour un total de 9440 minutes de jeu. C'est comme les buts valent pour deux. Exactement. Et c'est effectivement ça, les buts comptent double. Donc, Sebrango a conclu sa carrière au deuxième rang des buteurs et des pointeurs dans l'histoire du club derrière Mauro Biello. Eduardo Sebrango qui affichera un rôle très important au sein de l'Académie de soccer au niveau de l'Impact. Donc, encore un peu Un autre. Effectivement. Donc, on renforce énormément l'Académie. Du côté de l'Impact, on fait un peu ce que Barcelone fait. On va aller chercher des jeunes le plus jeune possible et essayer de leur tourner vers le soccer. Un peu ce que faisait le football également à une certaine époque et même encore aujourd'hui. C'est-à-dire, en fait, on va chercher on encadre les jeunes très tôt dans le sport. On leur offre une alternative à la rue avec le sport, avec le soccer, avec le football. On espère évidemment là faire quelque chose de très intéressant avec quelques étoiles. C'est très différent du fait que... Par contre, au football, tu peux pas monter dans le club. Non, effectivement. Il y a des stades que tu n'as pas le choix de passer. C'est tout, Phil? Oui. Ben, c'est parfait, ça. Parfait. On s'en va en musique. On va aller écouter un petit peu de El Motor avec la chanson Alinea. Et au retour, on parle basketball, les séries d'NBA qui avancent de plus en plus. On va peut-être avoir le temps de toucher à la Ligue américaine de hockey aussi, les séries qui avancent là aussi. El Motor, vive l'automne. Vous êtes à l'écoute de l'Inconduite de partie sur les ondes de C'est Fou. Vous voulez nous rejoindre en studio live à commercial inconduitedepartie.com et notre site web inconduitedepartie.com. Le 16e. Oh, attention! Incroyable! 100 super! C'est un cinquième consécutif. Un septième pour l'équipe. Incroyable. Le conduit de parti. Regardez cette action, il n'en revient pas. Je l'avais dit qu'à un moment donné, je le ferais. Oui, et Marc-Antoine vient de nous démontrer comment ne pas crier dans un micro à la radio. Marc-Antoine, il avait pas vu, j'ai pas dit à personne que ben il allait être pas. Petite leçon de radio 101 sur le bras. Non, mais dans le fond, je m'en suis rendu compte quand ça grichait dans mes oreilles. Quand ça grichait des oreilles. Et là, j'ai vu tout le monde se reculer de leur micro. J'ai fait la même chose. On s'est payé un petit trip. Il y a longtemps que j'avais dit qu'à un moment donné, j'allais ouvrir nos micros sur ce ID-là, ce retour de pause, simplement parce que c'est ce qu'on fait, c'est un peu l'ambiance qu'on a en studio. Bon, c'est notre avant-dernière émission, donc on vous vend quelques petits punchs de comment ça fonctionne en studio. On la crie tout le temps, celle-là, donc si vous avez pas aimé, parce que Marc-Antoine a fait piquer les sources. On rit tout toujours aussi sur « Je suis seul à l'avoir fait ». Oui, ce retour de pause-là que tu nous as amené là, dans les dernières semaines d'Happy Gilmore me fait toujours bien marrer. Ah, ouais. Quel film que j'adore, mais qui ne fait tout de même pas partie de mon top 10 des meilleurs films de tous les temps. Top 10 qu'on va parler de tantôt, sport. Là. Oui. Ben, top 10, on parle pas de top 10, nécessairement. Non, mais film de sport. On discute cinéma. Il y en a tellement des excellents. Ouais. Qu'à un moment donné, ça devient extrêmement difficile là, de se faire un top 10. À chaque fois que je suis obligé de classer des films, ça me brise le cœur. C'est ça. On continue. On continue là, en attendant. Là, du côté de la NBA. Oui. Les séries qui sont terminées. J'overreacte, je m'excuse. J'avais trop d'émotions. C'était comme genre une pièce de théâtre en secondaire 3. Là. Oui. Ou un vieil épisode de Watatata. Oui. En tout cas, Nicolas Ducharme, à ton tour. D'accord. Merci, Philippe Tremblay-Doucet. C'est beau. Celtics, Knicks, ça a été court. Ça t'intéresse que ce soit. Ça a été très court. Kevin Garnett là, a amassé 26 points, 10 rebonds. Rajon Rondo avec 21 points, 2 assistances. Les Celtics ont tassé les Knicks. Un balayage facilement, une victoire de 101 à 89, donc c'est terminé pour New York, encore une fois. A walk in a Central Park. Et que oui. Ray Allen aussi a récolté 14 points dans cette victoire-là. Donc, c'est terminé pour les Knicks. Et étonnamment, du côté des Celtics, c'est le premier blanchissage, premier balai, coup de balai, là, depuis 92. Ah, quand même. Étonnant. Ça fait 15 ans, 16 ans, 18 ans. Je suis tellement poche en maths. Ça fait 18 ans, 19 ans? 19 ans. Je suis vraiment pas bon. C'est impressionnant. Tu remontes à Larry Bird, là. Donc, ça monte à très longtemps. En 92, Larry Bird. Un autre balayage qui n'a pas eu lieu, par contre, le Heat de Miami qui a réussi à s'incliner là, contre les 76ers. Louis Williams là, qui a réussi un tir avec 8.1 secondes à faire au quatrième quart. Et les Sixers se sont sauvés avec la victoire 86-82 hier. Et pourtant, le Heat qui menait avec par 6 points là, avec 1 minute 35 à faire n'ont pas réussi à remonter. Williams là, et Evan Turner ont été les deux meilleurs là, chez les Sixers, 17 points chacun. Et Elton Brand là, a amassé 15 points, 11 rebonds. Tout un retour du côté des Sixers, mais ça se termine quand même mercredi là, à Miami. Ça devrait pas être très long là, parce que cette série-là, là, c'est 3-1. Là, donc ça devrait se terminer assez tôt. Merci. Une série qui est beaucoup plus serrée qu'on l'aurait cru. Par contre, les Lakers et les Hornets de la Nouvelle-Orléans. Chris Paul qui joue du basketball inspiré. Excellent pour le capitaine là, des Hornets. Lui qui a amassé 27 points, 15 assistances, 13 rebonds. Ce qu'on appelle communément un triple-double. Pour ceux qui connaissent pas le terme, c'est-à-dire que dans trois catégories, tu réussis à être dans les doubles chiffres. Donc, tu fais au moins 10 réussites dans trois catégories. Dans ce cas-ci, pour Chris Paul, les points, les assistances et les rebonds. Donc, respectivement, 27, 15 et 13. Il existe aussi des triple-triple qui sont très difficiles à réussir. Donc, 30 points, 30 passes, 30 rebonds. Kobe Bryant, peut-être. Non, peut-être pas Kobe, mais on en a vu quelques-uns. Non. Je cherche pas pour ça, honnêtement. Les auditeurs s'en foutent plus qu'on peut le penser. Grâce à cette performance, Chris Paul a donné la victoire 93-88 à Nouvelle-Orléans, ce qui leur permet de battre les Lakers. C'est 2-2 dans cette série-là. Tu l'as aimé, hein? Ah, je l'ai adoré. De toute façon, c'est vraiment le, bonne. Il y a une petite pâte, il ne doit pas avoir grand monde qui nous écoute. Ben non, c'est ça. Ça nous fait plaisir. On est fériés. Puis si vous nous écoutez, ben écrivez-nous à commercial@inconduitedeparti.com pour savoir si vous voulez vraiment que Phil cherche qui fait des triple attacks. Ouais, parce que je l'ai, là. Je veux pas le savoir. OK. Paul a marqué 14 des 24 points là, des Hornets au quatrième quart. Donc, quand je parlais de grosses performances, c'en était une. De son côté, Kobe Bryant, c'était plus difficile. 17 points seulement. Aucun en première demi. Donc, une chance qu'il s'est mis à jouer en deuxième parce qu'aucun en première demi. C'est plus difficile. Donc, c'est 2-2 toujours dans cette série-là, entre les Lakers et les Hornets. Les autres séries, Memphis contre Sacramento. Pas Sacramento, plutôt San Antonio. Les Spurs, c'est 2-1 en faveur de Memphis. Du côté de Dallas et Portland, c'est égalité, là, 2-2 dans cette série-là, plus serré qu'on aurait pensé. Chicago, sans trop de surprise, mène 3-1 contre les Pacers. Même on prévoyait un blanchage chapeau. Denver contre Oklahoma City, 3-0 en faveur du Thunder. Donc, les Nuggets qui, là, on s'attendait à une série serrée. C'est totalement le contraire. Et finalement, entre Orlando et les Hawks d'Atlanta, c'est 3-1. Victoire des Hawks hier par la marque de 88-85. Ils mènent 3-1. Vous ne pouvez pas être étonné. Moi, je suis étonné un peu. Je m'attendais à Orlando. Mais ça devrait être Atlanta qui remporte cette série-là. Faut qu'on a vu des remontées dans les séries éliminatoires. On en a parlé en début d'émission. Donc, c'est pas mal ce qui conclut pour le basketball. On parle maintenant de hockey. On revient au hockey. Bulldogs Hamilton. Oui. Qui ont remporté leur série du côté, eux qui affrontaient les barons d'Oklahoma, le club école des Oilers d'Edmonton. Et c'est un ancien des Patriotes de l'UQTR, Frédéric Saint-Denis, là, le défenseur, qui a marqué un but à l'avantage numérique à 17-4 de la troisième période dans cette victoire de 4-1 contre les barons. J'en déduis qu'il a dû avoir, si ça c'est le but gagnant, j'en déduis qu'il a dû avoir des buts en filet des heures par la suite. Vérifie-moi ça, Marc-Antoine, juste à être sûr que je dis pas n'importe quoi. Nigel Dawes a marqué deux fois, dont un dans un filet désert. Et J.T. Wyman a ajouté un autre but dans un filet abandonné. La sphère aide de chercher. J'avais juste allé la suite du texte. Pour ce qui fait qu'on va affronter Lol. Soit le Moose, mais tu vraiment dit ça. OK, aucune discipline. Aucune discipline, les gars. Je ferme vos micros. Je vous envoie au banc de punition. Alors, les Bulldogs tiraient de l'arrière 18-9 dans les tirs au but après deux périodes. Effectivement, souvent, on faisait trop de passes, on cherchait le jeu parfait et ça n'a pas eu lieu. Donc, grosse victoire là, de la part des Bulldogs. On s'en va en deuxième ronde. Hey, en passant, c'était Martin Gerber, le gardien là, chez les Barons. Oh, ouais, j'ai pas allumé vos micros. Ça me dérange pas, je vais juste vous le dire. Qui est le gardien là, du côté des Bulldogs dans la Ligue nationale. Donc, dans les séries éliminatoires, la plupart des matchs ont terminé. Il y a seulement deux séries qui sont pas terminées. Le Moose du Manitoba et les Lake Monsters de Lake Erie, c'est 3-3. C'est beau, je vous sors du banc de pénalité, boys. Vous pouvez revenir en onde. 3-3, là, dans cette série. Le gagnant, comme on disait, va affronter les Bulldogs. Les Stars du Texas, c'est voilà. Affronte les Admirals de Milwaukee. C'est 3-2 en faveur de Milwaukee dans cette série. Le gagnant va affronter les Arrows de Houston. Eux qui ont battu les Rivermen de Peoria par la marque de 4-0. Les Pirates de Portland ont battu les Whalers de Hartford. C'est les Whalers? Comment ils s'appellent? Tu sais-tu? J'ai un blanc. Club École là, des Rangers de New York, l'ancien Wolfpack d'Hartford. Donc, c'est les... je vais vous sortir le nom. Sors-moi ça, s'il te plaît. J'ai un blanc. Gros blanc. Victoire de 4-2 des Pirates de Portland. Du côté de Manchester et Binghamton, c'est Binghamton qui l'a apporté 4-3. Série très serrée. Wilkes-Barre, Scranton, les Penguins qui ont battu les Admirals. Ben, j'ai parlé de ceux de Milwaukee, ceux-là, c'est ceux de Norfolk. Victoire de 4-2, hein? Rough Riders, Admirals. Et les Checkers de Charlotte ont battu les Bears de Hershey 4-2. Donc, les Checkers vont affronter les Pingouins, alors que les Pirates vont affronter les Sénateurs. Et donc, c'est ça. On s'en va une pause au retour. On parle de films, on parle de cinéma. On parle de cinéma sportif. On l'a dit, l'été s'en vient. C'est moins gros, ceux qui aiment juste seulement le hockey. Vous allez avoir moins de choses à faire, donc on parle de cinéma. Au retour de pause, en vous rappelant que vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. N'hésitez pas à nous rejoindre en studio live à commercial@inconduitedepartie.com et notre site web inconduitedepartie.com. À l'UQTR, c'est plus dans vos oreilles. Les nouvelles sont une présentation de l'inconduitedepartie.com. Chronique, opinion et beaucoup plus.

Dans la version anglophone, c'est vraiment le personnage d'Al Pacino qui parle. Et généralement, les traductions faites sont de magnifiques traductions. C'est bien fait la plupart du temps. Mais dans celui-là, je trouve que l'original anglophone est meilleur. Ouais, dans plusieurs, je veux dire. On va en faire jouer d'autres tantôt, là. J'ai commencé, mais des petites surprises là, tantôt qu'on va faire jouer. Alors, la raison pourquoi on y était avec cette intro, devrais-je dire, c'est parce qu'on va parler cinéma. Hein? Si le Canadien se fait éliminer demain soir, là, tout le monde va être déçu, tout le monde va être défait. On va vouloir. Il y en a plusieurs qui vont arrêter d'écouter du sport pendant jusqu'en septembre prochain, là, sauf quelques petites affaires pendant l'été. Donc, on se doit de parler de quelque chose d'autre. Alors, pourquoi ne pas parler de films de sport? Oui. Il y en a, en maudit, des films de sport. Il y en a plusieurs. Il y en a qui sont pas bons. Il y en a qui sont des magiques. Votre film de sport là, préféré, Marc-Antoine? À vos marques préparées. C'est vrai. Non, moi, oui, classique. J'ai envie de garocher mes roches. Non, mais moi, je suis pas un grand amateur de cinéma, mais j'ai quand même écouté des films de sport là, en étant sportif. Là. Un des films que j'ai écouté qui a vraiment marqué, parce que je viens d'un petit coin, puis nous, le hockey dehors, j'ai jamais vraiment joué au hockey à l'intérieur, à part midget un petit peu. Le hockey dehors et le film Mystery Alaska. C'est un film qui se passe, c'est dans le fond, ça se passe à Mystery, une ville en Alaska, où une équipe locale joue au hockey et c'est plus qu'un sport national pour eux. Et là, ils ont la chance d'affronter les Rangers de New York et prouver que le petit hockey de région est capable de faire un hockey aussi talentueux que le hockey de la Ligue nationale. Malheureusement, la fin se termine que les Rangers de New York l'emportent, un film américain. C'est ça. Et à fond, les Rangers de New York l'emportent. Même avec tout ça, ça finit avec des félicitations incroyables sur la petite équipe de région. Et en tout cas, c'est un film qui m'a vraiment marqué. Un film que peut-être on mettra pas dans un top 10 si on analyse tous les films de l'histoire du sport. Pour mon top 3, là, moi, je mets Mystery Alaska. C'est également le film préféré de Scott Gomez, aux grandes surprises. Ah ouais? Mais non, en effet, Scott Gomez qui est originaire d'Alaska. Okay. Donc, pour lui, c'est évidemment là, un film qui a marqué son enfance, adolescence à l'époque. Parce que c'était en 86. C'est un excellent film, effectivement, là, Mystery Alaska, c'est quand même un bon film de hockey. Mais tu l'as dit en partant, n'étant pas nécessairement un grand amateur de cinéma. Moi, au contraire, le cinéma, c'est un peu une de mes priorités au niveau de mes loisirs. Et il y a un petit quelque chose qui me dérange au niveau de Mystery Alaska, c'est la façon dont on filme les scènes de hockey. Ouais. Je trouve que c'est un peu là, c'est pas aussi mauvais que dans Mighty Ducks. Non, mais c'est pas ce que Miracle a pu faire. Donc à ce niveau-là, j'ai un peu plus de difficultés. Mais effectivement, c'est un bon film. Mais moi, des films basés sur des histoires vraies, j'ai toujours trouvé que c'était un peu plus facile à faire parce que bon, l'histoire est là, tout ce que t'as à faire, c'est la rendre. Mais j'enlève absolument rien au fait que le film est excellent. Ouais, parce que dans Mystery Alaska, comparé à Miracle, oui, il y a une grosse portion hockey, mais il y a une grosse portion aussi petite région qui veut se développer, veut se faire reconnaître. Dans Miracle, il y a beaucoup de hockey. Dans Mystery Alaska, il y a quelques scènes, il y a beaucoup de scènes de pratique sur les lacs, de tir dans les filets qu'on a à la maison, sur des cannes, des choses comme ça. Mm-hmm. Il y a un gros match contre les Rangers à la fin du film. Mm-hmm. Sinon, il n'y a pas beaucoup de hockey sur glace comme on peut voir dans Miracle. On reste dans le monde du hockey là, de mon côté. Bon, oui, Miracle, et on va aller écouter là, un des moments forts du film Miracle. Là. I'm sick and tired of hearing about what a great hockey team the Soviets have. Screw them! This is your time! Now go out there and take it! Quel film? Miracle. Tu nous as coupé ça assez hard. Ouais, hein? Ouais, non, oui, effectivement. J'ai comme 6 consoles à gérer présentement, là, donc j'essaie de faire de mon mieux. Là. Quel film, Miracle? Puis, il y a deux types de films de sport. Les films du mot, léger. Happy Gilmore. Tu restes dans Bobby Boucher, le Waterboy, le porteur d'eau. Ouais. Tous ces films-là. Et tu as la dramatique. Du côté de Miracle, il n'y a pas... Ou à peu près pas. Juste attention là, dans ce que tu as dit, parce que oui, il y a la dramatique, mais il y a également, comme on disait tantôt avec Marc-Antoine, il y a le fait vécu. Qui, tu sais, il y a l'inspiré d'une histoire vraie aussi dans le sport qui est quand même, qui prend une part très importante. D'habitude, c'est une dramatique. Oui, ouais, mais elle est quand même pas bâtie de la même façon qu'une dramatique complètement inventée. Donc, ah non, mais je veux dire, c'est rarement un film d'humour. Non, oui, effectivement. C'est ça, je veux dire, dans ce sens-là, on parle de We Are Marshall, l'écrasement de l'avion des Thunder Ringers de Marshall en 70-71. Ça, c'était tout un événement. C'est difficile à rendre en film. On fait pas ça 3 ans après, ça, c'est sûr et certain. Du côté de Miracle, quel jeu d'acteur de Kurt Russell? Je trouve qu'il charrie le film à lui seul sur ses épaules. Parce que les joueurs de hockey, il n'y a pas vraiment d'histoire de bâti à travers ce qui se passe à travers les joueurs de hockey. Peut-être Jim Craig un peu, là, le gardien de but. Mais pour le reste, Kurt Russell charrie ça sur ses épaules à lui seul dans le rôle de Herb Brooks. Et bon, ceux qui connaissent pas Miracle, bon, premièrement, je suis déçu pour vous. Allez vous louer ça. C'est un classique dans le cinéma sportif. C'est un film qui est extrêmement bien fait. Ça a beau être les Américains et non pas les Canadiens. Je me sentais rejoint par ce film-là. Ouais. La scène où il les fait patiner d'un bout à l'autre de la patinoire dans le noir. Les lumières fermes, c'est de la magie. Je dirais pas qu'il gagne à la fin, mais gardez le punch, tu sais. Mais juste pour vous rappeler que c'est l'histoire de Lake Placid où les États-Unis ont remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Je vous dis ça comme ça. On vous dit pas du tout comment ça se termine à la fin, mais ça ressemble à ça. Et Lake Placid où Boston est allé séjourner. Ouais, monsieur. Ouais. ça fera pas partie de l'histoire. Quel film Miracle? Et c'est la raison pourquoi c'est mon film de sport numéro 1. la magie qu'il y a à travers tout ça. Moi, mon film de sport numéro 1, et je vais aller un peu prendre ce que vous dites des deux côtés. En fait, Nicolas, tu parlais de film dramatique versus film un peu plus comédie. Évidemment, là, c'est difficile de placer un film comique comme meilleur film de sport pour toutes les raisons qui existent. Marc-Antoine, tu parlais également de pour l'impact que ça a pu avoir là au niveau de Mystery Alaska. Moi, mon film de sport par excellence, c'est Million Dollar Baby. Ouais. La fille à 1 million $. Tu parlais, Nicolas, tantôt de Kurt Russell qui joue à lui seul qui tient à lui seul le rôle dans le film Miracle. Du côté de Million Dollar Baby, on a deux acteurs complètement magiques. Et avant d'écouter ce film-là, je me disais, bah, un film de boxe avec une fille, tu sais, je veux dire, ça va ressembler. Ça part mal. C'est un film qui m'a complètement transformé, qui m'a chamboulé, qui m'a touché énormément. La performance des deux acteurs dans ce film là, Harrison Ford et Hilary Swank. Clint Eastwood, excusez. Ben oui, j'avais Harrison m'est apparu dans le fond du cerveau, et Hilary Swank qui joue la boxeuse en question. C'est quelque chose de magnifique, de surprenant à la fois. Et comme je vous disais tantôt, c'est une histoire qui est complètement inventée, du début à la fin. Clint Eastwood là-dedans qui joue à la fois le rôle de réalisateur, de directeur, de producteur, et qui tient le rôle principal d'un coach qui veut pas coacher une fille à boxe, qui ça y tente pas, puis qui se rend compte finalement que c'est probablement une des meilleures athlètes de boxe qu'il n'aura jamais vu. Et les scènes de combat, les scènes de boxe sont parmi les plus belles du cinéma. Meilleur que Rocky? À ce niveau-là, ben là, c'est même pas comparable. Tu m'aurais dit meilleur qu'Ali, peut-être. J'aurais pu en discuter. Mais non, effectivement, c'est selon moi le meilleur film de boxe qu'il y a eu. Et là, il y a Raging Bull aussi, là, qui est mon numéro 2, qui est tout juste après. Ce qui est quand même un grand film. Là. Marc-Antoine, je pense pas que t'es connu Raging Bull, avec Robert De Niro, qui joue Jake LaMotta. Encore là, en fait, je l'ai mis en deuxième position parce que c'est inspiré d'une histoire vraie, donc l'histoire est plus facile à faire à ce niveau-là, mais quand même, là, un grand film, là, un des films qui a canonisé justement le style sportif au cinéma, donc Raging Bull, Million Dollar Baby, c'est mon ex-écho en tête, mais une petite lignée d'avance pour Million Dollar Baby. Mais c'est justement ce que je m'en ai parlé au niveau film de boxe, je n'ai pas vu Raging Bull. Je vais le voir, je te le promets, là, je vais trouver un moyen de le voir. Je n'ai pas vu Raging Bull, donc c'était ma question, parce que quand on regarde sur les sites, entre parenthèses, spécialisés sur le sujet, Raging Bull finit tout le temps à top 3. Avec souvent le film Hoosiers, qui est totalement inconnu au Québec. Ouais. Totalement inconnu au Québec, qui est un film sur l'histoire d'une... On en a parlé dans les dernières semaines, lors du March Madness. C'est l'histoire d'une petite ville, une municipalité de 700 personnes en Indiana, qui se bâtit une équipe de basketball et qui réussissent à se rendre au championnat d'État et qu'il l'emporte. Un film qui était, moi, que j'ai pas nécessairement apprécié. J'ai pas, ben, je l'ai pas haï, là, mais je m'attendais à plus. J'ai trouvé l'histoire correcte, sans plus. Je ne sais pas pourquoi il est apprécié comme ça, mais bon. On parlait de films. Ben, c'est l'exemple même du rêve américain, ce film-là, les Hoosiers. Ouais. Bon petit speech aussi, là, qui dure à peu près 2 minutes et demie, du coach, là, qui dit, on s'en fout de se rendre à la finale parce que de toute façon, c'est le rêve de chacun. Là, ce qu'on a à penser, c'est un match à la fois. Tu sais, il y a une belle petite morale facile à suivre et agréable à tenter de répéter, disons. C'est un bon petit film là de sport. Évidemment, c'est sorti dans des années aussi qui lui ont permis d'avancer énormément au niveau de pas nécessairement des codes d'écoute, mais de tout l'aura qui a entouré ce film-là. Dans ton top 10 que tu nous as montré, qu'on peut-être défilera pas toutes, là, Philippe, on trouvait ça étrange peut-être que tu n'avais pas mis Maurice Richard. Mm-hmm. Je sais pas si tu veux élaborer un petit peu sur ce sujet-là. Ben, c'est pas, j'ai pas mis Maurice Richard parce que, selon moi, bon, pour toutes les raisons que je pourrais énumérer, c'est un film magnifique. Ok, c'est sublime, c'est un de mes films préférés, mais je peux pas le mettre dans un top 10 des meilleurs films de sport de tous les temps, mettons, entre guillemets, parce que ça n'a pas nécessairement rejoint un public aussi large que n'importe quel autre film. Donc, c'est la seule et unique raison. Mais pour moi, évidemment, c'est un de mes films préférés. Mais ça peut pas aller dans un top 10 là, qui s'y tient. Parce que toi, clairement, ton film de sport, c'est clairement le suivant, là. Les boys, les Américains ont une expression pour ça que j'aime particulièrement. J'ai lu ça quelque part. The mental. Le mental. Mental toughness! La dureté du mental! Puis ici, présentement, il y en a pas mal plus qu'on pense du mental. La chambre est remplie de mental! Je pense que le message est clair. Hein? Yes! Oui! je m'attendrai jamais de ce speech. C'est dans un classique film d'humour, encore plus les Boys, parce qu'il était à la sauce québécoise, mais c'était, à l'époque, quand c'est sorti, les Boys, un peu une révolution au niveau du cinéma québécois, parce que des films de sport québécois, il n'y en a pas eu une à la tonne. T'as parlé de Maurice Richard. Ouais. Les Boys, qu'on a pressé la sauce et pressé et pressé et pressé et pressé et oui, encore pressé. Et mis à part ça, film québécois, sportif, j'en ai pas vraiment qui me viennent à la tête. Il y a bien sûr dans ses comptes. Il y a La Ligne Brisée avec Guillaume Lemaitre-Vierge et David Lain. Mais qui, personnellement, est passé dans le vide pour moi. Ouais, là, mais qui est quand même un bon film. J'ai pas allumé nécessairement. Mais à l'époque, je parle à l'époque, avant les Boys, en 96, mm-hmm. 96-97, là, il y avait rien de majeur. Bien sûr, il y avait Lancé Compte. Donc, mm-hmm. on avait déjà une base, ouais. mais elle était télévisuelle, amener ça en film. Mm-hmm. Et on y était avec le monsieur, madame, tout le monde, ce qui encore, contrairement à Maurice Richard, rend la chose... ben certains diront plus facile, d'autres plus difficile à faire, c'est-à-dire qu'il faut créer un engouement autour de nobody. C'est pas une ligue de c'est pas la Ligue nationale, le parcours de tel gars dans la Ligue nationale, c'est l'historique d'une équipe qui a fini sa saison et doit disputer un match de hockey qui est supposé de rien vouloir dire, qui finalement on apprend à travers ça et qui vient célébrer l'amour entre hommes dans une chambre d'hôtel. Ouais, et aussi l'affaire avec les Boys, c'est que c'est identitaire. C'est que même si c'est des ligues de garage, on a tous déjà joué dans les ligues de garage, puis pour nous, notre ligue de garage, c'est aussi important que pour les joueurs de la Ligue nationale jouer dans leur Ligue nationale. C'est le hockey au Québec, c'est très important, c'est un des symboles identitaires les plus importants qu'on a. Tout le monde peut se revirer vers un sport qu'il aime, et au Québec, on a la chance d'avoir le hockey. Et c'est ça que les Boys ont réussi à faire avec les films. On a réussi à démontrer l'amour que une gang de gars peuvent avoir pour le sport qui est le hockey. Les Boys aussi, en fait, là, qui est un, au Québec, qui est un film qui a talonné Titanic, hein, à sa sortie en cinéma. Oui. Donc, oubliez pas ça. C'est quand même assez impressionnant de à ce niveau-là. Et ce que les Boys ont fait, au cinéma québécois, c'est qu'ils ont permis une nouvelle forme, si on veut, je vais dire financement, là, même si le mot n'est peut-être pas nécessairement bien choisi, mais c'est qu'à l'époque, un peu avant les Boys, ou du moins à cette époque-là, ce qui était antérieur à ça au niveau du cinéma, c'était et qui était financé en partie par l'État, parce qu'on sait que le cinéma pas financé par l'État, on n'en a pas au Québec. Donc, à ce niveau-là, c'était des films porteurs de valeurs, de porteurs d'identité, porteurs d'un message quelconque. Et on n'avait pas nécessairement dans le bagage pour subventionner le cinéma, la question de code d'écoute, la question de popularité, la question de box-office. C'est ce qu'on a été chercher avec les Boys et ça nous a amené un cinéma qui est plus populaire au Québec, entre autres dans la lignée les bons cops, bad cops, les deux parents flics, les bon et tout ça. Et les Boys, combinés avec Elvis Gratton aussi, qui à cette époque-là a sorti le 2 et le 3 du côté de Falardeau, on a eu cette poussée-là du cinéma populaire, si on veut, au niveau du Québec et ça a grandement aidé le développement du cinéma québécois de façon incroyable. Et il n'y a pas une scène dans Les Boys qui n'est pas citable. Au moins dans les deux premiers, là, le 3 et 4 sont peut-être un petit peu plus là un peu trop pressés, si on veut. Mais le 1 et le 2 ont des échanges incroyable au niveau du dialogue, entre autres lorsque Bob pète sa coche au restaurant là à tous les joueurs et les toasts à moutarde de Julien, tout le monde en a entendu parler. Ouais. Méo qui dit je savais pas que les trous de cul ça pissait. Un chum qui s'amuse à tout le temps les ramener. Ouais. Qui a pas vraiment un humour profond comme gars, mais qui ramène tout le temps des citations de films comme ça et Slapshot. Et qui est un autre dans la même lignée, qui est, à mon avis, si le Québec a les Boys, le reste de l'Amérique du Nord a Slapshot, les partisans d'hockey, là, bien sûr. Là. J'aurais même tendance à dire que c'est encore au Québec que Slapshot a le plus de reconnaissance et a le plus de fans aussi. Là. Donc, grâce à une excellente traduction. On parlait tantôt de traduction. Oui, c'est un signe là, vraiment solide qu'avec une bonne traduction peut sauver un film comme le détruire, tout simplement. Hey, en terminant, là, parce qu'il reste pas une tonne de temps là, pour le reste de l'émission, quelques films en rafale que vous aimez. La tradition, j'aime bien Friday Night Lights dans la comédie, les séries Ligue majeure. C'est pas des grands films nécessairement, mais c'est des bons petits films intéressants à voir. Je sais pas pour vous autres. Là. Ben moi, La Légende de Bagger Vance, c'est un film de golf avec Will Smith, Matt Damon, Charlize Theron. J'ai adoré ce film-là, c'est vraiment magnifique. Friday Night Lights, évidemment, on peut pas passer à côté de ce film-là. La Ligue en jupon, un des premiers films classique. De Tom Hanks avec Madonna, c'est génial. C'est 92, là. C'est ce que les années 90 ont fait de mieux en matière de cinéma. Ali, j'en ai parlé tantôt, Miracle. Greatest Game of All Time. Greatest Game Ever Played. Un autre film de golf avec en vedette Shia LaBeouf, la vedette de Transformer. Vraiment, là, un bon petit film super surprenant. Il y a de quoi aller voir. Il y a de quoi. Ça, là, je vous le conseille. L'histoire de 1913 au US Open. Très, très intéressant. Évidemment, Remember the Titans. On a commencé avec Any Given Sunday. Ouais. Tout ça. Là, il y a eu aussi Les Remplaçants, la série Les Mikey Ducks. Il y a aussi côté plus ludique. Un film, quand même, de sport, malgré Wimbledon. Sur le tennis, c'est une histoire d'amour poche, mais c'était quand même un film de sport bon. J'ai oublié tantôt, en vous parlant de Million Dollar Baby, il y a également Morgan Freeman qui joue un rôle incroyable. Donc, on a trois acteurs là, vraiment formidables dans ce film-là. Moi, Never Back Down. Tu parlais Never Back Down. C'est chacun son combat sur le TKO, sur le UFC. On parle même génération. Tu parlais de films qui sont pas nécessairement totalement des films de sport, mais The Blind Side. Effectivement, je l'avais mis dans ma liste. C'est un peu mon numéro 11 là, à ce niveau-là. Julia Roberts qui prend en main Rudy. Film Rudy inspirationnel que j'ai adoré. Julia Roberts, c'est pas Julia Roberts. Ouais, il y a Radio aussi. Sandra Bullock, excuse, mais oui. Je les mélange tout le temps. Tout le temps aussi, effectivement. Il y a Radio aussi, là, qui est un film de basket sans en être un. Donc, il y a du très bon cinéma sportif. Souvent, là, on néglige là, le côté sport quand on parle de cinéma, mais c'est en soi une catégorie très intéressante au niveau du cinéma. Très intéressante, qui est rarement reconnue dû au fait qu'il y a du sport, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Là. Très souvent, on va passer à côté dans les grandes cérémonies et autres activités du genre, là, si je peux dire. Donc, c'est ce qui conclut l'inconduite de partie pour cette semaine. On vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. On va se laisser en musique avec un groupe thématique sportif. Ah, The Wrestler, les gars. Excusez, là, j'y viens de me repopper. Là. Quel film incroyable, le lutteur. Ça a l'air que The Fighter est super bon aussi. Je ne l'ai pas vu encore. Non, effectivement. Je vais me le chercher lui aussi. Donc, on espère qu'on vous a donné des idées si jamais le Canadien se fait éliminer. Pour le reste, on va espérer que non et qu'on aille du hockey. En deuxième ronde, c'est sa musique avec le groupe thématique. Là, je parlais là, pour bien conclure notre émission. Les Delaware Chuck. Ah, ouais. Oui. Avec la chanson à soir, on sort. Vous avez écouté les conduites de partie. Pour Philippe, Marc-Antoine, je suis Nicolas Duchamp. Bonne journée, tout le monde.